te corté las alas. Él te hizo volar, él te hizo soñar. Ya no te creo. Il y a des filles partout, il y a des filles. Je pense que c'est mon nouveau corps. Il y a des jolies filles. C'est ça. Ça les attire. Je pense que c'est mon nouveau corps. C'est les abdos. Ouais, j'ai un. Hein, les pecs, les abdos, tout ça. J'ai vu tout de suite, j'ai vu tout de suite. Avant, on disait ça va le public, on entendait. Ouais. Et là, je sens que. Et depuis que t'as posé torse nu, ça change tout. Tu as raison, Pied. Excusez-moi si j'ai du mal à ravaler parce que j'ai eu la mauvaise idée de manger une cacahuète, une noisette. Et les noisettes, quand tu les manges, t'en as partout. Ouais. Ça fait des aftes. J'essaie tout à l'heure de parler normalement pour pas que ça parte, pour pas que les gens du premier rang se disent il est sympa, mais il mange comme un porc. Bon, vous êtes en forme, donc tout va. Ouais, ça va ouais. Moi aussi, ça me fait plaisir de vous voir. Ah, aujourd'hui, nous célébrons. Et ça, dans l'histoire d'énergie, ça ne s'est jamais vu. Non. Deux personnes à la réalisation. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une personne. Ripa. Mais pour un seul salaire. Ripa, c'est de ta faute. Donc, Energy nous a dit c'est sympa vos plans, les micros coupés, les trucs, mais on va quand même rajouter une personne. Donc, alors, il y a Margot qui gère la partie droite. Voilà. Et on a, présentation, Andrea. Salut, Andrea. Salut. C'était une fille avant. Salut, je m'appelle Andrea. Et Andrea qui gère la partie gauche. Les boutons de gauche. On les laisse sur. Alors, on espère que ce soit mieux. Oui, parce que sinon, vous savez qu'on est prêt à appeler une troisième personne pour gérer la partie droite de la console. Ils vont nous faire un boys band derrière le truc. Ça va être très très beau. Vous êtes prêts? Vous avez tout. Andrea, tu sais comment ça marche? Oui, c'est parti. Je suis prêt. Tu sais comment ça marche, toi? Oui, bien sûr. N'hésite pas à lui dire. Hein, Marco. Des fois, elle est là, elle regarde le bouton. Des fois, je vais danser juste. C'est quoi ça déjà? Et là elle fait. Non, c'est pas ça. C'est pas celui-là non plus. C'est ça, Justin Bieber. Voilà, c'est celui-là. 6-11-12, dès que vous entendez le double hit de Justin Bieber, ou Justin Bieber tout seul, ou Justin Bieber enchaîné avec DJ Snake, le truc événement, vous gagnez l'iPhone 7. Le truc qui est sorti hier. Ah ouais, il y a eu la conférence hier. Ouais, pas encore hier. Sorti. Oui. pas encore sorti. Et bien, en tout cas, en France, en tout cas. En tout cas, vous allez pouvoir le gagner. Vous avez en plus le MacBook. MacBook Air. Merci. Oui. Le MacBook Air. 612 par SMS. Dès que vous entendez le double hit, ce sera cadeau. Cadeau de ouf. On vous l'offrira. C'est un cadeau de malade. Et d'ailleurs, le défi Facebook de ce soir. On se le fait, c'est un défi. Ah oui. Insta. Ouais. Insta, oui. On en veut combien de. On se dit à combien ? À 8000. 8, ouais. On est bien à 8. On a fait 10 la dernière fois. Ouais, on a fait 10. Ouais, mais j'en ai marre de mettre que des photos de toi sur Insta. Ouais, c'est vrai. C'est pas le. Mais c'est vous pas, étiez beau gosse la dernière fois, il y avait limite le filtre un peu dessin là, c'était pas mal. Alors écoute-moi bien, on n'avait pas mis de filtre. C'est super aussi, wow. Il y avait des grosses taches et tout. C'est toi la grosse tache dans cette émission. On n'avait pas mis de filtre. Mais si, bien sûr que si. No filter. T'as mis un filtre Instagram. No filter. Oui, je crois qu'on vous a pas cramé. D'accord. Vous aviez mis le filtre abdos et pectoraux et dents blanches Alors attends, ok, d'accord, on va faire sans filtre. Je m'engage à ce qu'il n'y ait pas de filtre. Viens ici. Mais regarde-les, avec Loris qui a toujours la même tête. On il a un sourire, Loris. Loris, il a un sourire. Ouais. Il a une tête, Loris. Par contre, là, j'ai une sale gueule. Ça vous dérange pas? Non, non, non, non. C'est très bien. Non, c'est parce pas que très tu bien. Bien. C'est très, très moche. Parce que lui, se trouve bien. Ouais. Je vais enlever le casque parce qu'on a tout. Allô, Oxo, ici la terre. Viens. Arrête, putain, de te coller à moi quand on fait une photo. Ça crée une proximité. Mais ça crée pas une proximité. Ça crée un. T'es presque dans moi, là. C'est gênant. On va pas passer Milan. Arrête d'être si proche. Et change de tête. Il n'y arrive pas. Il a toujours le même sourire ultra bright. On fait la photo. Ouais. Pas de filtre. Les gens peuvent voir qu'il n'y a pas de filtre. Bon, je vais peut-être mettre les yeux quand même. Mais dans le petit quand même. Ouais, mais c'est vrai que t'es dégueulasse. Eh bien, pour la peine, je vais mettre la photo où Loris est dégueulasse. Voilà. Voilà. Si on arrive à 8000 likes. Ouais. Oui. 10. Tu veux 10 ? Loris, 10 ? Ouais, parce qu'il veut pas le faire, c'est pour ça. 9000, changeons. Allez, 9. À 9000 likes. Je le dis tout de suite sur mon Instagram. Loris. Alors, attendez. T'étouffe pas. Mais toujours, mais bois quelque chose. À 9000 likes. Ben oui, je bois quoi ? Ben, allez, je sais pas. Où avez-vous vu de l'eau ? De l'eau ? À 9000 likes, Loris, je l'écris en même temps que je vous le dis, hein, devient un faux vendeur d'iPhone 7. À l'Apple Store. Non. Voilà. Si, on c'est l'Apple Store. Ils sont super sérieux là-bas. Mais il faut que tu mettes le t-shirt, le polo et tout. Hein. C'est-à-dire qu'en gros. Qui ressemble quoi. C'est-à-dire qu'en gros, il va y avoir des tas de gens qui vont vouloir acheter l'iPhone 7, avoir des renseignements, et lui va se faire passer pour un vendeur en donnant que des renseignements tocards. Avec la, les faut qu'il vende des écouteurs bidons là. Alors tu me vends des écouteurs, tu vas me prendre un téléphone, un truc pourri, tu vas couper le fil et tu vas dire ça, c'est les nouveaux écouteurs Bluetooth. Et tu ramènes la thune. Et tu dois être sérieux. Et si t'en vends 3 ou 4, tu dis vous avez récupéré par là. Et hop, tu cours. Tu peux te mettre bien. Tu peux te mettre pas mal. D'accord. Puis c'est bien parce qu'il n'y a pas de sécu là-bas dans les Apple Store. S'il y a bien un endroit où il n'y a pas de sécu. Ouais, pas oui, mais en même temps, il y a tellement de vendeurs ouais. Que c'est ça vrai peut que c'est être un truc de dingue là-bas. Tu t'habilles vraiment comme eux. Hein. Avec l'oreillette et tout. Ouais. Ah, et puis il a un peu désagréable et pressé. Fais-toi un faux badge. Et puis il faut avoir un iPad entre les mains. Ils ont toujours des iPads. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Tiens, c'est vrai. D'accord. Donc à 9000 likes, Loris deviendra un faux vendeur d'iPhone 7. Ouais. Et si jamais t'arrives à vendre un truc que t'as pas, t'es un champion du monde, mon copote. Je vais être champion. T'es un champion du monde, mais je veux que tu leur vendes des trucs dégueulasses en disant que c'est le nouveau. Ce soir, il y aura le super jeu. On aura un devine qui c'est. On aura le concours de ma mère est la plus cool du monde. Oui. Vous aviez kiffé, c'est la dernière fois. Continuez de vous inscrire koyatenergie.com. En gros, ce sera un fight de maman. Vous pensez que votre mère est la plus cool du monde, et bien on mettra deux mamans. On va les tester. Et on les testera, on leur posera des questions et on notera en fonction de ça. On verra qui est la plus cool. Et on verra qui est la plus cool. Mais genre, on se fait un championnat à la fin de l'année, il y a un diplôme et tout. Ouais, on fera peut-être ça. Voilà, on aura un jeu de l'équipe qui va être d'une finesse. Totale. Tu te doutes bien quand j'ai lu ça, je me suis dit. Ce jeu, je vous dirai ce que c'est tout à l'heure, ce jeu s'appelle. Le cucu ou la canette. Ah. Je ne vous en dis pas plus. Qu'est-ce que le cucu ou la canette ? Voilà. T'es un peu flippé quand tu vois le titre comme ça. Je dis ça, je dis rien. Je dis rien. Vous en saurez plus tout à l'heure. Il y a toujours Shawn Mendes à gagner ? Oui, bien sûr. Energy.fr, si vous voulez vous inscrire pour aller faire un tour et rencontrer Shawn Mendes à Amsterdam, Loris partira avec vous. Et il y aura un petit reportage où on vous suivra. Et jusqu'à la rencontre avec Shawn Mendes et tout. C'est bon ça, non ? Je suis pas sûr que ce soit un cadeau. La lourdeur. Loris pendant deux jours à Amsterdam. Demain, il y a Soprano. On a plein de surprises dans les jours qui viennent. Kim vient nous voir. Maître Gims va passer. Et il y aura Kent Jones. Moi, je suis fan de Kent aussi. Jones. Ah, c'est le tube de l'été pour toi. J'adore ça. Bonjour, madame. J'adore ce truc-là. Il faudra lui apprendre le français parce que c'est pas possible. Hein. C'est pas gérable. Et puis, on aura plein de trucs tout à l'heure. Restez avec nous sur Énergie. Ça va être encore une émission de dingue. Serait-ce l'invité qui était avec nous hier ? Manon, à toi dans deux minutes, Manon. Tu bouges pas ? Non, c'est bon. Attends, mais aussi tout de suite juste après Claudio. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fait un... 20 ans où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vois passer quand je suis assis, vous êtes debout près, c'est j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir. Merci. C'est dur, je confesse. Moi je vais m'en sortir, je l'atteste. Un jour avoir un toit, une adresse. Si de toi à moi, c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire? À part l'ivresse comme futur, que tes promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, mais parfois, j'ai qu'une envie, abandonner. Si je m'en priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute. Ne me ferme pas la porte. Et lui, je vous jure, c'est une Ferrari. Mais dans une carrosserie de grand goût. Koé, 19h-22h sur Énergie. Bientôt 2 300 000 followers sur mon Twitter. On arrive à 2 300 000. Vous êtes 2 292 927 abonnés. Oh, ça fait suivez-moi sur Twitter et dès qu'on arrive à 2 300 000, on se refait une bouffe ensemble. C'est bien ça, non? Ouais. Ouais. Bon, et je vous rappelle qu'il y a une vidéo qui vient de sortir sur notre chaîne YouTube qui est la vidéo de Loris qui chasse les Pokémon. Alors il chasse pas les Pokémon, il chasse les gens dans la rue comme c'est des ça. Pokémon. Ah, ouais. Avec une épuisette. Si vous voulez voir le bordel que ça fait, tu l'as mis sur le Facebook? Ouais, je la mets. Et il a chassé un flic, j'ai vu aussi. Merci de le préciser. Et bah voilà, Renaud il embrasse teasing. Un flic, lui il chasse un flic. Voilà, c'est. Et alors, il était gentil, monsieur policier ou pas? La dame, non, très aigrie. Mais est-ce que nous, on peut la saluer quand même? Si. Il y a des raisons qu'elle soit énervée, on n'a pas le droit de chasser une policière avec une épuisette, même quand on est chasseur de Pokémon. En douceur. Oui, mais même en douceur, t'as pas le droit. Bon, en tout cas, on l'embrasse, cette dame. Voilà, donc allez faire un tour sur cette vidéo, allez sur notre chaîne YouTube et tout ce soir. Donc si on arrive à 9000 likes, cette fois-ci, il va aller se transformer pour aller vendre l'iPhone. L'iPhone 7, il faut quand même que je vous en dise plus parce que j'ai halluciné. Vas-y. L'iPhone 7, donc il va y avoir maintenant des petites oreillettes. Vous savez, l'oreillette qui était vendue avec le fil que tu te prends toujours les mains dedans, ouais. Que tu as oublié, qui était relié à ton téléphone, et tu donnes un coup et ton téléphone et il vole téléphone à 10 mètres. Part avec, ouais. Moi, ça m'arrivait encore ce matin, ouais. Ça m'en ouf. Eh bien, maintenant, c'est fini, puisqu'il y a l'oreillette. Et oui, Bluetooth. Eh bien, vous savez quoi, elle n'est pas fournie avec. Bah non. Ouais. Il y a une blinde. 180 euros. Mais non. Alors que les autres écouteurs, c'est ils sont prix, avec. C'est le prix, d'un Huawei. C'est vrai. Pour 180 euros, Wico, t'as un téléphone Huawei ou un Wico. Ouais. Et bah là, pour 180 euros chez Apple, non, tu n'as que l'oreillette. pour écouter un truc que tu peux pas parce que t'as pas le téléphone. C'est ouf, non? Le téléphone, il est entre 800 et 1200. Et alors, ouais. Alors ça, je vous le dis, écoutez bien, on est quel jour aujourd'hui? On est début septembre. Ouais. Pour ceux qui vont l'acheter, je vous le dis direct, vous ouvrez la boîte à 9h du matin. Je vous le dis, le lendemain, vous avez déjà perdu une des deux. Hein. Et vous avez les oreillettes. Ah bah et bah ça oui. va vous faire chier ouais. dans la nuit parce qu'il va falloir les recharger. Hein. Ouais. Parce mais que, c'est chaud, ouais. j'avoue. Et puis, tu peux les perdre très vite. Et puis, il n'y a pas que ça qui est chaud. C'est qu'on a quand même mis 10 ans. À se débrouiller de tout, à se dégager de tous les blaireaux qui avaient des oreillettes Bluetooth. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois un type qui a son oreillette Bluetooth, il a quand même l'air d'un con. Ouais, c'est, ouais, le ringard, c'est le ringard qui a la banane. Tu vois, c'est celui qui est. On a quand même mis 10 années à dire à des gens, écoute, t'as l'air d'un con. Tu parles à quelqu'un, j'ai l'impression que tu me parles. Ouais, mais tu vois, c'est Apple qui le fait, donc ça va être branché. Et bien maintenant, c'était totalement ringard. Et bien grâce à Apple, ils vont revenir les blaireaux avec l'oreillette Bluetooth. Ah bah oui. Ouais, mais c'est quand même plus petit qu'une oreillette Bluetooth. Mais, je serai Apple, mais je relance les espadrilles et c'est parti. Et voilà, je relance la banane, le truc que tu mets devant où tu mets tes petits documents. Parce que si c'est Apple, la banane, elle va devenir branchée. Ouais, j'avoue. C'est ça qui est bien, on fait une un bisou. Banane Bluetooth. Ça va, Manon? Oui, ça va. Bon, Manon, tu nous as envoyé un long mail, ma chérie. Je vous envoie ce mail car je demande si je suis normale. En effet, je n'ai pas eu de petits amis, ni embrassé quelqu'un à part pendant des jeux. Je me suis déjà fait draguer, encore la semaine dernière. À chaque fois, les mecs sont beaucoup plus vieux que moi car j'ai 18 ans. Et les mecs ont environ 30 ans. Mais soit ils n'étaient pas à mon goût, soit ils étaient étrangers, soit il y avait ma famille pas loin. Oui, c'est toujours gênant de oui, se faire devant les parents, draguer devant les parents. Je ne pense pas être extrêmement moche, donc je commence un peu à en avoir marre. La photo a été fournie. Tu as 18 ans, Manon, hein, je tiens à le dire. Ouais. Tu veux l'avis sincère de l'équipe? Vas-y. Voilà, tu fais une sale tête. Oh, elle est trop mimi. Elle est pas moche du tout. Excusez-moi, il y a même une photo du corps. Par contre, t'as un bout habillé, sur le front. Hein. Habillée, excusez-moi. Elle est sexy, cette demoiselle. Ouais, elle est trop mimi. Elle a tout ce qu'il faut, là. Enfin, on voit pas grand-chose sur la photo, mais t'as tout ce qu'il faut, visiblement. Oui, si, t'as tout ce qu'il faut. Ah, oui, mais c'est pas de ça qu'elle se plaint. Mais non. A jamais embrassé elle de mec. Embrassé. Bah, si elle commence à avoir des doutes quand même, si elle nous envoyait des photos de sa tête et de son corps, c'est qu'elle commence à avoir des doutes. Mais tu sais qu'à 18 ans, il avait jamais encore embrassé de fille. Hein. Si. Ah bon? Si, il avait pas fait l'amour. Ah, c'est l'amour que t'avais pas fait. Ouais, quand même, oui. Ah, oui, pardon, excuse-moi. Je rappelle que j'ai grandi en Picardie, on embrassait nos cousines. Hein. Donc à un moment. Mais c'est bien, ça fait un bon training. Et avant, c'était les animaux. Donc, non, je lui dis, bon, moi, c'est sa cousine, le nombre de gens qui ont déjà embrassé leur cousine. J'ai jamais embrassé mes cousins, moi. Jamais roulé de pelle à mes cousins, c'est mes cousins, c'est la famille, les gars. Non, jamais. Bah, c'était bon alors. Oui, mais est-ce que vous étiez dans l'Aisne? Non. Bah voilà, c'est tout. Voilà. Et non, mais voilà, t'es jolie comme tout. Moi, je suis embrassé. À 18 ans, j'avais pas fait l'amour. Mais j'avais embrassé, j'avais fait deux, trois. Oui, mais elle a pas de doute sur le fait qu'elle est jolie, parce que justement, elle se fait draguer. Si, quand même. Ouais, mais si tu te fais draguer, c'est quelque part, t'es jolie, c'est attirante. C'est clair. Donc, il n'y a pas de problème aussi à se faire ce niveau-là. Pourquoi c'est que des mecs de 30 balais qui viennent la draguer et pas ceux de 20 ans? 30 balais? Ouais, ça, c'est. Bah, ça dépend où tu sors et avec qui tu traînes, peut-être. Peut-être plus mature que ton âge aussi, mais bon. De là. Bah, en fait, c'est que je sors pas genre des masses et des masses. Donc, là, dernièrement, c'était au taf, c'était un collègue du taf, quoi. Donc, il avait 30 piges. Ah, mais ils sont tous plus vieux que toi. Ouais, non, mais alors, ma chérie, tu vas vite comprendre aussi un truc, c'est que si tu sors pas beaucoup, tu vas pas rencontrer beaucoup. Ouais, non. Ça, c'est un principe. Non, mais attends, le collègue du taf, tu l'as pas embrassé? Ah non, mais laisse tomber, il avait un enfant, il avait une femme et oui, tout, d'accord. Donc je voulais pas. Ah, mais c'est lui qui t'a. Ouais, d'accord. Okay. Oui, bah oui. Ah, il y en a eu qu'un. Ah putain, t'aurais peut-être dû l'embrasser quand même. Hein. Il y en a d'autres qui t'attirent. Et il y a un moment, quand t'as faim dans le désert, même si on propose un plat que t'aimes pas, tu le bouffes. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais quand on a faim, on a faim. Moi, on m'a toujours répété ça quand j'étais gamin. Mais attends, t'as pas de copine, de copain de ton âge? Si, mais le truc, c'est que. Le collège, j'étais la petite grosse au fond de la classe. Non, la grande grosse au fond de la classe. Et après, tout le lycée, j'avais les mêmes potes qu'au collège. Donc, il y avait la répute qui suivait. Excuse-moi. Attends, excuse-moi. Ou la photo, t'as mis un filtre, mais t'es pas grosse, là, du tout. Non, pas du tout. Bah non, c'est juste que je l'ai pris d'une certaine sorte, mais... Oui, t'inquiète pas, je suis le spécialiste du mec qui prend les photos d'une certaine sorte. S'il y a bien... mais je veux dire, mais t'as des fesses, t'as des seins, mais t'es pas grosse. Bah non. Bah, on va dire que j'ai peut-être un petit peu perdu avant quoi, du début de l'année quoi. Mais bah alors, ça veut bien, ça veut dire que c'est dans le bon sens, ça veut dire que tu maigris un peu, bouge pas, on va revenir dans la préfédère, d'accord ma chérie? Ouais. Ne bouge pas, attends, regarde-moi ça commence à illuminer le moral. Oh. Non, mais mets-moi Feder. Juste après, on va revenir avec Manon, tout à l'heure, on aura de la Henriette pour le devine qui c'est. Je sais pas si on aura le temps du coup. Gaguette, bonsoir. Et sur le défi, on a 2500 likes. Ah, déjà bien. Ah ça bien. Va vite. C'est bien. Hé, les oreillettes Bluetooth, tu me les vendras 400 euros. ça peut passer, on sait jamais, ça peut passer. Pas possible. And once we run the show, everyone will know that we

si vous êtes fan de lui. Il va revenir. Il nous fera la nouvelle aussi. Ouais, bah, j'espère qu'il va pas faire la même, il va pas faire l'ancienne tout le temps. Bah regarde, Claudio Capéo, il a fait l'ancienne. Bon, on revient avec Manon. Manon, 18 ans, qui se demande pourquoi les gens de son âge ne s'intéressent pas. Bah, elle ne comprend pas. Il y a plein de réactions. Hein. Si vous voulez réagir sur Manon, vous faites hashtag Coé saison 7 sur Twitter. Je vois passer vos hashtags et tout. Je vois passer vos messages. Bon, qu'est-ce qu'elle peut faire, la petite Manon là? Allez-y, donnez-lui des conseils, les amis. Bah, déjà qu'elle sorte déjà avec des gens de son âge. Bah oui, avec des potes. Tu sors qu'elle en boîte. Et après, ta réputation en boîte, tout le monde s'en fout. Hein. Mais moi, j'ai une question. T'as peur d'embrasser, du coup, vu que c'est la première fois et que tu l'as jamais fait? Bah non, mais bon. T'as pas la pression? Non, c'était pas ça, mais c'est qu'il y avait personne, quoi. Donc. Comment ça, il y avait personne? Personne qui embrassait, il y avait pas de candidat, quoi. Mais non, ma question, c'était, est-ce que t'as la pression, du coup, d'embrasser un garçon parce que t'as 18 ans et tu l'as jamais fait? Ou du coup, ça te fait reculer? Ou alors, non, t'en as envie et t'y Ah non, t'y j'en ai envie, mais j'ai pas d'occasion, quoi. Ah, mais t'es au courant que c'est dégueulasse, hein? Ouais, faut pas faire ça. Dans le foufou, il y a un crabe et dans la bouche, il y a un truc dégueulasse. C'est horrible, dans la langue, là. Il y a une limace. Il y a une limace dans la langue. Une fille, elle me regarde à fond. C'est visqueux. La langue, là. Vous avez pas embrassé? Oh non, toi non. Toi non. Un pote, oui. Un copain. Mais une fille, alors qu'on connaît pas. Oh non, c'est compliqué. Non, mais si, évidemment, c'est génial d'embrasser. Mais je suis désolé, ça peut être horrible. Il y a des gens, ils embrassent tellement mal que ça peut être long d'embrasser. Si elle a jamais fait, en plus, ça doit. Alors non, parce qu'elle peut ne jamais l'avoir fait. Puis il y a des filles qui vont peut-être embrasser bien tout de suite. Savoir, gens... c'est guidé. Le aussi. Problème, c'est que quand tu commences, tu le fais mal par définition. Ouais. Prenons une demoiselle qui fait la machine à laver. Voilà. Le micro. Ouais. On essaie. Tiens, on a une pelle à coco. Non. Dépêche-toi. Quel âge tu as? J'ai 16 ans. Bon, est-ce que tu as déjà embrassé un garçon? Oui. Avec la langue? Bah oui. Alors c'est le moment de donner des conseils à la jeune fille. Comment ça s'est passé? Où est-ce que tu l'as rencontré? C'était un copain de où? Bah la première fois, c'est bizarrement en fait. Pourquoi bizarrement? Bah je me sentais stressée, lui aussi, du coup on était tendu. Ah oui. Il avait jamais fait lui non plus? Non, du coup en fait... Pression pour un roulage de pelle. Bah en fait on a fait... N'importe quoi. Non, bah c'est pas ça, c'est que en fait, comme tout le monde dit à chaque fois, il faut prendre les langues et les tourner. Je vais prendre ma langue et tu prends ta langue. Les tourner. Et après, t'as mal au cœur. Bah, du coup, en fait, ça a été assez violent et j'ai pas aimé. Mais après, ouais, parce qu'au début, on a un peu tendance à faire. Ouais. Ouais, ouais, ouais, c'est vous en souvenez ça. Votre première appel? Mais ouais. C'est bien, mais c'est un souvenir de ouf. Moi, j'avais trouvé ça dégueulasse. Moi, c'est un souvenir immonde. Elle avait une langue, elle a rempli toute ma bouche. Moi, ça m'a marqué la vie. Moi, j'ai l'impression que j'avais senti ses glaires sur la langue. Ah, c'était dégueulasse. Elle avait une très grosse langue. D'un seul coup, j'ai senti. Ah, mais c'était une vache. Moi, je m'en souviens. Oui, c'est ça. Mais là, j'en garde un souvenir extraordinaire. C'était entre deux wagons de TGV. Là, je m'en souviens. C'était. Waouh, ça m'a. Tu la connaissais pas? Ah, moi, mon premier petit smack, ça a été entre deux wagons de TGV. Ah, jamais revu la nouvelle. Moi, c'était la première pelle entre deux wagons de TGV. C'était un truc de vous deux ensemble, en fait. On te parle pas à toi. Non, mais c'est pour dire que voilà, ça peut, même si c'est mal fait, machin. Ça peut garder un super souvenir. Laisse le micro. La deuxième fois, c'était comment? Si la première, c'était nul. Je me souviens plus. Je crois que c'était en vacances. Tu t'en souviens plus? T'as 16 ans. Ça remonte pas à si longtemps que ça non plus, non? Bah, si, j'avais 11 ans et demi. Bah, je crois que j'avais 14 ans la deuxième fois. Je sais plus. Bien ou pas? Ouais, ça a été, ouais. Ah, c'était avec mon tonton. Et non, en fait. T'es con, toi. Et ces derniers temps, c'était comment? Bah, les dernières, là. Ouais, ça a été, franchement, ouais. Bon. C'est bien, tu gères maintenant. Bah, ouais. Bon. Tu peux dire à Manon que c'est pas compliqué. Bah pas non, en fait, faut pas qu'elle stresse. Puis si elle trouve personne, c'est que c'est pas le moment. Puis si elle trouvera, c'est que ça va bien se passer. Faut ah, pas 18 ans, il est peut-être temps, ouais, temps d'y aller. Quand même, hein. Mais faut pas qu'elle se mette la pression, c'est ouais, ça voilà. Qu'elle veut dire. Ouais. Elle a raison. Mais pour s'entraîner, elle peut aller chez le boucher, après elle achète les langues de bœuf là. Mais c'est pas con. Moi, j'ai entraîné sur ma main. Ouais, mais t'as pas de langue à ta main. Mais non, mais je faisais pour voir comment je bougeais ma langue. Ouais. Bah c'est pas, non mais c'est pas con non plus. Et bah je savais pas si c'était bien ou pas. Bah non, parce que ta main elle te dit pas. Bah non, mais ça m'entraînait. Là on sort de l'été, t'as pas trouvé un seul mec cet été dans une fête de village, dans un camping, sur le bord de la plage ou je sais même pas où. T'as pas trouvé un mec? Bah en fait je suis pas partie en vacances, donc j'ai fait que bosser. Ah ouais, ma chérie, si tu sors pas et tu fais que bosser, tu fais quoi? Le week-end. Les week-ends. Non mais là quand tu bosses, tu fais quoi? Bah là, je faisais des colos, donc on était une équipe de trois, donc j'allais pas galocher le seul collège. Les moniteurs, mais c'est les meilleurs plans entre animateurs. Enfin, dans les moniteurs de colo, en théorie. Alors là, ouais, c'est carnage, là, normalement. T'as pas réussi avec le moniteur de colo? Mais on était que trois. Voilà, faut pas être 50 pour rouler une pelle. Notre stagiaire Thibaut, il était moniteur de colo et apparemment il a roulé plein de pelles. Oui, ouais, je l'ai fait aussi. Hein, c'est là que j'ai fait les plus gros carnages. Ça, c'est bizarre. Colo. Thibault, aux enfants. T'as roulé plein de pelles. Pas aux enfants. T'as roulé plein de pelles. Non, ouais, mais sous la menace. Franchement, tu vois Manon, mais, tu vois Manon, ça te montre. En colo, mais c'est ouf comme c'est chaud. Tu vois Manon, ça te montre que même avec un physique difficile. Parce que ce jeune homme là que tu viens d'entendre, il a vraiment pas un physique facile. Et il a réussi. Alors toi, qui es joli comme tout, tu vas réussir. Oui, c'est ça. Un Thibault, t'as un physique pas facile. T'es d'accord? J'ai pas de chance. Je trouve pas mal, moi. Ah, Manon, elle te trouve bien, Thibault. Ah, merci, c'est gentil. Ah, quel âge, voilà. T'es à quel âge, toi? J'ai 18. Ah, ah, ça ils se sont trouvés. Génial, Jean. Montre-lui, tu l'as vu, Thibault? Bah oui, en plus, j'ai pas Manon allez, Manon, tu viens nous voir et on fait un pell time. Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Bah, tu peux pas faire le difficile. Ouais, non, hey, mec, t'es pas équipé pour faire le difficile. Non, non, non, mais il y a un non, moment. Non, ça va. Franchement, il y a pire. Oh, oh, elle, elle est mignonne. Elle est mais non, confiance, t'as raison. C'est quoi ton genre de meuf? Alors, non, mais... Sinon, sache qu'on a Mika qui est dans les starting blocks qui est prêt non, à tout. Elle est trop jeune. Ah, mais il va lui faire mal. Mika. Non, mais Mika, il est tellement prêt à tout. Le mec, il a tellement, il s'est tellement rien passé dans sa vie. Ouais, mais ça sent le fait d'hiver, là. Toi, tu seras dans le crime la semaine prochaine, Mika. Ne fais pas ça. Manon, ne doute pas, t'es jolie comme tout. Et à un moment donné, bosser, c'est bien, mais me dis pas que tu peux pas trouver du temps pour aller dans un café, sur une place, dans une fête. Gens. Pour se faire draguer, t'es jolie, ouais. T'inquiète pas. Moi j'ai vu des nanas très très moches qui réussissaient à rouler des pelles tout le temps. Ouais. Donc mais c'est vrai, t'as toujours des filles, elles sont pas belles, tu dis comment elles font? Parce que voilà, les mecs sont moins regardants. Pour les mecs, hein. T'as des mecs horribles. Non, non, non. Un mec horrible, il a plus de mal. Une fille moche, les mecs ont tellement faim. Non, parce qu'un mec horrible mais drôle, il a plus de chance qu'un mec trop bien. Franchement, les trucs s'expliquent pas. Gaguette, il m'a montré des trucs l'autre fois, des potes à lui qui sortent des bolides. Mais un pote moche, il est avec un top modèle. Ah ouais. Mais comment il fait? Je sais pas. Il est même pas riche, non? Non. Ah non. Elle est non-voyante? Non, je sais pas, il a peut-être menacé aussi demain. Bon, je te fais un gros bisou, Manon. Ça va aller, t'inquiète pas, tu nous tiens au courant, hein, d'accord? Ouais. Je t'embrasse fort. Bisous, ma chérie. Dans un instant, qui a la mère la plus cool entre Malina et Amandine? On verra ça dans un instant pour le grand test de ma mère, elle est la plus cool. Tout à l'heure, on aura question pour un yeuf. Oui. Ça, c'est drôle, c'est question drôle, pour un yeuf. Ah, j'adore ce moment-là. Voici 21 Pilot. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. I'm on my ride. En ce moment, avec les affaires Bricoman, le poêle à granulés noir de 7,4 kW programmable avec gestion automatique de la température est à seulement 849 euros. I've been thinking too much. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'm falling, so su que Koé revenait pour une 7e saison sur Énergie, ils ont dit... Ah non, on est mal. Ah, on est mal. On est très mal. Koé, 19h, 22h, sur Énergie. Demain, émission de ouf avec Soprano. Soprano sera là demain. Dites-nous qui vous voulez pour le prochain Toc Toc Toc. Vous savez qu'on va aller chez vous, je vais vous amener une star chez vous. Dites-nous par Twitter qui vous voulez que je vous emmène chez vous. Ouais. Hashtag Koé saison 7, comme ça je le vois passer votre tweet et vous nous dites qui vous voulez que je prenez vous emmène chez vous. Prenez un vivant, tant qu'à faire. Oui, ah, oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Dites-moi si c'est du Maître Gims, du Kinvé, qui vous voulez que je vous ramène chez vous. Allez, je viens, je vous l'amène en surprise. Ça, je réfléchis. Hashtag Koé saison 7 sur Twitter et vous nous le mettez en TT ce soir. On va voir si vous êtes fort. Jusqu'à 20h, vous nous le mettez en TT. Qu'est-ce qu'il y a ? Il faudra peut-être leur demander aussi quand même aux artistes. Non, d'abord on voit ce que les auditeurs veulent et d'accord. Ensuite je l'emmène. Là il y a pas mal de gens qui se battent pour Shawn Mendes. Dis-leur, je lui dis que c'est pas sur Twitter. Non, c'est sur energie.fr. Arrêtez de m'envoyer vos messages sur Twitter. Et par contre, il y a énormément de demandes, mais ça sert à rien d'envoyer plusieurs formulaires, un seul suffit. Voilà, et c'est sur energie.fr. Oui. Là, sur Twitter, hashtag c'est Koé saison 7. Dites-nous ce que vous voudriez. Je vous emmène chez vous pour le prochain Toc Toc Toc. Allez-y. Je suis en train de chercher. Et vous nous le mettez en TT jusqu'à 20h, toi, un acteur, non ? Bradley Cooper. Bradley Cooper. Oui, bah c'est facile en plus. Petit coquine. Ah, Bradley Cooper. Bradley Cooper, moi. Pietre, t'aimerais qui ? Là, en français. Bah, en qui tu veux, tu te fais plaisir. Ah, ramène Ophélie Winter, ça va me rappeler des trucs. Oh là là, c'est vrai. Bien, Ophélie quoi. Winter. Ah, mais j'ai toujours fantasmé sur. Moi aussi, oh là, grave. Bon, bah, tant mieux pour vous. Pietre, Gégette. Les autres, on les voit, nous, tous les jours. Mie et Mati. C'est un, pour le délire. C'est un délire. Mimi Mati. Ah, oh, ce serait bien ça. Ça va bon, être d'accord. Difficile, hein. Hashtag Koé, donc saison 7 pour l'instant. C'est le moment de qui a la maman la plus cool. On va faire un bisou à Malina. Ça va, Malina ? Oui, ça va et toi ? Oui, ma belle, tu habites où ? J'habite à Roiffé dans un trou paumé. Ah, comment s'appelle le trou paumé ? C'est dans le Poitou-Charentes. D'accord, très bien. Maman s'appelle comment ? Isa. Elle est gentille, Isa, ou pas ? Elle est géniale. On appelle ta maman. Voilà, on va dire bonjour à ta maman. Et ensuite, j'appellerai la maman d'Amandine pour savoir laquelle des deux est la plus cool. C'est le concours le plus serré. L'Eurovision, c'est de la gnognotte à côté. La Allô ? Miss France. Allô ? Oui. Bonjour Isabelle, c'est Koé à l'appareil. Comment ça va ? Très bien, merci. Vous allez bien ? Il paraît que votre fille vous adore. Ouais. Ouais, c'est normal. Ouais, mais c'est un peu normal. Dans un instant, on va savoir si vous êtes la maman la plus cool de la soirée, d'accord ? Ok, ça va. Mais pour l'instant, il y a la maman d'Amandine. Ça va, Amandine ? Ça va et toi ? Ouais, maman, elle s'appelle comment ? Sylvie. Gentille, Sylvie ? Très gentille. D'accord, elle va très bien. Vous êtes belle, j'ai des photos de toutes les filles, de toutes les mamans, vous êtes toutes très jolies. J'ai des photos de tout le monde, moi. Je peux faire un bouquin. Allô ? Ah, Sylvie, par contre, ne décroche pas pour l'instant. Pourtant, j'entends Sylvie à côté, elle doit être dans la même maison. Allô, la maman de Sylvie. Allô, la maman de... Non, c'est Sylvie, c'est la maman d'Amandine, c'est ça ? Oui. C'est Koé. Comment ça va ? Koé. Comment ça, Koé ? Le beau gosse. Le super beau surfeur. Koé ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelqu'un qui est en train de faire un trou dans le mur. Ouais, c'est le maillot. C'est qui ? C'est mon mari. Alors, est-ce qu'il peut arrêter ? Koé de qui ? Koé de énergie. Koé de énergie, c'est comme ça. Énergie, voilà. Mais la radio ? Mais oui, on est sur énergie. Faites du bruit pour que la maman comprenne, voilà. Voilà maintenant le concours qui va démarrer, écoutez-moi bien. Par contre, dites à votre mari qu'il arrête les travaux. Ouais. Isabelle, Sylvie, voici le concours de la maman la plus cool de la soirée. Je vous pose chacune une question, la même, et vous répondez, d'accord ? Oui. On y va, Isabelle, on commence par toi. Quel est ton acteur préféré ? Mon acteur préféré. Je sais. Celui que quand tu le vois, Patrick Dempsey, allez. Patrick Dempsey. Ah, bah oui, forcément. Amandine ? Oui. Sylvie, pardon. Maman d'Amandine ? Oui. Acteur préféré ? Allez, Mel Gibson. Ah, on est un peu plus vieux. Plus vieux. Mel Gibson, ok, d'accord. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme, Sylvie ? Ah, c'est fesses. Hey, c'est vide. C'est vide. Okay. Isabelle, qu'est-ce que vous regardez en premier ? Ses yeux. On met des points pour quoi ? Fesses. Ouais, les fesses. Alors, pas de les Cooper a marqué un point. Les fesses, ça marque un point. Troisième question. Quelle est votre insulte préférée ? Celle qui part, bam ! Quand il y a un mec qui fait une queue de poisson, un truc comme ça. Isabelle, on y va. Insulte préférée ? Va te faire enculer. Ah, on est bien. La valeur sûre, le classique, le truc qui sort. Il est violent quand même. Et Sylvie ? Ah, je dois te dire ? Oui. Oui. Ah, nique ta mère. Mais c'est violente, les mamans. Égalité. Entre égalité. Ah, le nick ta mère, il est quand même plus sympa. Il est plus sympa. Elle va on n'est pas là pour juger du sympa. Oui, non, mais non. Va te reculer, égalité. Égalité. D'accord. Attention. Je vais faire un. Faut que je trouve un truc de maman. Là, il me reste encore deux questions. Comment vous vous habillez en tenue de tous les jours, Isabelle? Aïe. Jean, Converse. Ah, ça, c'est bien. Ça va. Aïe. D'accord. Très bien. Très bien. Et Sylvie? Pareil. Pantalon. Mais avec, avec quoi? Pantalon et puis mince, comment on appelle je sais pas. C'est pas je sais plus, les petites les petites baskets en toile, là, je m'en rappelle plus. Les Converse? Victoria, les Victoria. Les Victoria, voilà. Ah, c'est plus c'est tendance, pointu. Hein. Ouais. Ouais. Ah, les Victoria, c'est les chaussures qui sentent la fraise. Vous connaissez pas? Oui, c'est ça. Non, ça sent quand t'achètes des, quand t'achètes des chaussures qui sentent la fraise, c'est que tu schlingues des doigts. Ouais, c'est un problème. Je te jure. Moi, le jour où tu verras que je t'achète un slip à la menthe, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Je te jure. Après des lavages en machine, ça sent toujours la fraise. Ouais, oui, mais c'est vrai. Hein. C'est vrai, ouais, difficile. C'est vrai, hein. C'est ça. Non, ouais, c'est plus tendance, donc on met les Victoria. On va dire les Victoria. Ouais. Un point pour Sylvie. Voici, alors là, si je comprends bien. Ah, pour l'instant, c'est Sylvie, soit égalité, soit. Pour l'instant, Sylvie, elle a fait égalité. Pour l'instant, c'est Sylvie qui a une. Qui a trois points. Voici une question. Si vous surprenez votre enfant, donc votre fille, devant un porno, vous lui dites quoi, Isabelle? Je lui dis qu'elle a raison de s'informer. Ah oh. Okay. Ouais, c'est pas LCI, non, points, c'est pas BFM Télé non plus. Et Sylvie? Non, moi je dirais va regarder dans ta chambre. Ah bah si regarde dans le salon, oui, c'est chelou. Hey, je suis choqué. Mais moi j'aurais adoré que mon père il me chope devant porno. Il fait écoute, c'est gênant dans le salon, va regarder dans ta chambre. S'il te plaît, va te faire plaisir tout seul. Bon, là c'est un point chacune. Là. Ouais. Ah non, le va regarder dans ta chambre, il est quand même. Ouais, moi j'aurais dit aussi Sylvie. Mais... Ouais, le va regarder dans ta chambre, il est. Ah ouais, bah le glauque était bien aussi. Il est un peu plus cool quand même. Bon, allez, c'est pas une question de départage? De départage. Ouais, pour les départages. Non, parce que. Ah ouais. Allez, on en fait une dernière. Mais j'en ai pas. Si. Ouais, mais elle était bien celle-là. Bon, le surnom. Ouais. Allez, on y va. Quel surnom vous donnez à votre fille, Isabelle? Mon amour, ma puce, n'importe. Oh, Malena. Mon amour, ma puce. Sylvie, tu comment vous appelez Amandine, le petit surnom? Doudoune. Doudoune. Doudoune. Allez, c'est Doudoune qui gagne. Bravo. Amandine, c'est maman, ça veut. Hey, en tout cas, vous êtes très cool aussi, Isabelle. Je vous fais un gros bisou, d'accord? Ok. Je vous embrasse fort. Sylvie, c'est Amandine qui gagne. Et donc, Amandine, elle va gagner un gros cadeau. Vous êtes la maman la plus cool. Je vous embrasse fort. Bisous. Ah, merci, bisous. On est en TT? On est en TT. C'est bras, ça. Koé, hashtag saison 7. Non, c'est hashtag Koé, saison 7. On est entêté, mais on n'est pas assez haut. Faut que ça remonte. Allez, partagez ça. Voici Garrix. This was only gonna hurt if I warned you that the fire's gonna burn. Would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side. Would you call in the name of love? Trust me when you're jumping from the heights. Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all

C'est parce que la beauté est à prix irrésistible chez Leclerc que du 6 au 17 septembre, le mascara volume flash de Rimmel avec 40% de réduction immédiate est à 4,17€ après réduction. Voir modalité dans les magasins participants. Bon, je t'en prends un, je m'en prends un, mais le mien reste le mien, on est bien d'accord? Promis, Mamoun. Du 9 au 11 septembre, ce sont les jours sensationnels chez Conforama. Profitez de 100€ offerts en bon d'achat pour 500€ d'achat en meubles, déco et électroménagers. 100€ offerts! Et oui, je sais, c'est sensationnel. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Bon d'achat valable sur le meuble et la déco, hors cuisine et promotion en cours. Voir conditions sur conforama.fr. Petit message Peugeot en forme de devinette. Quelle est la différence entre une perceuse sans fil et l'utilitaire Peugeot Partner électrique? Eh bien, les deux se rechargent en 30 minutes seulement, mais la perceuse ne possède pas de banquette 3 places. Le Peugeot Partner électrique est à partir de 159€ hors taxe par mois. Option charge rapide 30 minutes et prise de recharge à domicile offerte. Crédit bail 60 mois et 50 000 km sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur PeugeotWebstorePro.com. Ah, Julie. L'affaire de la patate douce revient. Je te jure, tu sais quoi, faut aller dans le restaurant. Recommander une deuxième fois là où il y a oublié des patates douces. J'ai écrit en plus en commentaire, n'oubliez pas les frites de patate douce. Mais ils t'aiment pas. Non. Bah tu les as pourri hier. Le mec s'est dit je l'aime pas, là me fait chier. J'en ai rien à faire. Ah non mais on les appelle, faut faire quelque chose. Oui, je vais servir à international. Patates douces, je me fous. On a la foutre de tes patates douces. Je commande chez eux juste pour ça. Bah fais-toi des patates douces chez toi, mange des patates douces à la maison. Ah ça me saoule. Bah oui. Bah je sais, la terre s'arrête, mais t'as pas tes patates douces. C'est comme ça. Et deux fois dessus, c'est drôle. Coé saison 7 en TT, c'est bien, faut qu'on y tienne toute l'émission, comme tous les soirs. Faut que ce soit un gros carton guiguette. Je rappelle aussi que à 9000 likes, Loris partira en faux vendeur d'iPhone, essayer de vendre des iPhones. À l'Apple Store, on dit pas où. Alors on arrive à 6000 likes là. On est bien, en 50 minutes, 6000 likes, c'est bien. Alors, faut que tu répètes, mon gars. Faut que tu répètes le dos, ça. Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. J'ai vu que le nouvel iPhone 7 est sorti, j'aimerais avoir des renseignements. Oui. Alors, on est sur une innovation concernant l'iPhone 7, en fait, avec un câblage différent au niveau de l'appareil auditif. Ok, tu me le feras plus drôle. Je te laisse le bosser parce qu'il faudra que ça soit plus drôle. Donc, effectivement. D'accord. On fait un bisou à Gladys. Gladys. Salut. Ça va, Gladys? Oui, ça va, et vous? Tu es en forme, Gladys? Ouais, parfait. On en parle dans un instant. J'ai 19 ans, je suis à la recherche de mon père biologique. Oui, c'est ça. Et j'ai vu une photo de mon père avec Coé. J'aimerais savoir s'il y a moyen qu'on m'appelle. Ah, c'est ouf. Ah bah du coup, tu le connais? Bah peut-être. Bah oui, s'il a pris une photo avec toi, c'est quelque part, tu l'as déjà rencontré, sa mère. Non, mais c'était un auditeur. On en parle dans un instant, bouge pas, on va percer le truc dans quelques secondes. Tu bouges pas, Gladys? D'accord. Ne bouge pas, ma chérie. Juste après Tal, vous avez très envie qu'elle vienne chez vous, Tal, pour le toc-toc-toc. Continuez de nous dire qui vous voulez et que je vous ramène chez vous à la maison. Et dans un instant, je vous dirai, on va venir chez vous dans quelques jours, je vous dirai pourquoi. Restez là, j'explique tout. D'une vie dans le noir. Non, flash spécial, coupe-tal. Viens là, toi. Non. Julie, reviens. Suis-moi. Vous savez pourquoi vous avez entendu un allô par professionnel? Allô? Parce qu'ils viennent de lui passer le restaurant de la patate douce. Oui. Tu viens de faire un allô à l'antenne parce que les patates douces étaient plus importants que nous. Oui. Parce que ça m'énerve. Ça me fait chier. Passe-le-moi. Passe-le-moi. Non, mais j'ai pas vu patate douce. Allô? Allô? Il a écrit, c'était une... Vous êtes là? Monsieur Diner. Ah, t'as raccroché. Le service après-vente est bien aussi. Tu vois? Fais chier avec tes patates douces. Remets-t'al. Voilà. Voici un peu de douceur. Et dans un instant, je vous expliquerai pourquoi je vais venir chez vous en plus du toc-toc-toc. Et je pense que vous allez kiffer. Juste après Tal, je vous explique le dos. D'une vie dans le noir. L'ennui éteint tous nos espoirs. Inconscient. Une vie illusoire. Et incapable de voir. Mais tu sais que sans en avoir l'air, tu construis l'histoire. À chacun sa gloire. S'arrêter quelques heures, s'en aller comme un avion qui passe dans ce monde qui nous laisse. Je t'aime, I'm way awake. gonna be awake. Can't let my mind be asleep all day. Gonna pack it up, be on my way. Cause I'm motivated, dedicated. It's a man revolution. Love is the solution. No man can escape evolution. So we have to free our minds and find our mission. Some new every year. Sur les réseaux sociaux, premier sur YouTube et premier à la cantine. Ah non, c'est vrai, oui, il fait régime. Ah, c'est pas bon pour le classement, ça. Koé, 19h, 22h, sur Énergie. Toute l'équipe est sur Énergie, merci, bonjour. J'espère que vous êtes en forme, moi ça va de votre côté. Juste pour vous dire un truc, ça y est, on va aller chez vous dans quelques temps. Oui, alors c'était quoi? Alors là, je vais vous expliquer. On va aller chez vous pour un toc-toc-toc. Alors ce sera peut-être Tal, ce sera peut-être Maître Guim, ce sera peut-être qu'on nous demande du Arthur, on nous demande du frérot de la Vega. Continuez, hashtag Koé saison 7 sur Twitter, faites tourner. On nous demande du Shawn Mendes aussi. Oui. Ça, ça part dans tous les sens. Mais alors là, je vous annonce que bientôt, on va lancer semaine prochaine un Koé range ta chambre. Ah, qu'est-ce qu'un Koé range ta chambre? En gros, vous allez vous inscrire parce que votre chambre c'est le bordel. Mmh. Ou c'est vos parents qui vont vous inscrire parce que votre chambre c'est. Et nous, on déboulera avec l'équipe par surprise un jour où vous êtes là et on viendra ranger votre chambre. Mais voilà. Pour de vrai, hein. Ouais. Pour de vrai, hein. Ouais. C'est-à-dire qu'on viendra vous la ranger, on viendra pas foutre le bordel. On la range, on machin, on classe. Un peu quand même. On va peut-être fouiller un peu. Les doses, quoi. On nettoie le bordel, mais on débarque chez vous avec l'équipe dans votre chambre. Et on ira ranger votre chambre à la maison. On fera ça une fois par mois, une fois tous les 15 jours. On verra en fonction du truc. C'est on ira, bien comme on initiative. On essaiera d'aller partout. C'est bien, non? On aide les gens. Hein. Gladys! Salut. Ça va, mon petit chat? Oui, ça va. Alors, Gladys, ta demande, elle est hallucinante. Ouais, c'est dingue. Tu cherches ton père biologique et comment tu sais que c'est celui qui est en photo avec moi? Parce que, effectivement, il y a quelqu'un. Pardon. Oh là. Demi-rototo, un petit appel d'air. Comment tu sais que c'est ton père biologique? Ma mère m'en a parlé et j'avais une photo quand j'étais petite avec lui qui m'avait dans les bras. Ah oui. Et du coup, en recherchant, t'es tombée sur une photo de Koé avec lui? Oui, c'est ça. T'es sûre que c'est lui? Oui. Tu l'as trouvée où, cette photo? Sur Twitter. Sur Twitter? Fais voir, ouais. Je me connais. Sur son Twitter non, à lui. Alors, je vais être honnête avec toi, la photo, je m'en souviens pas. Ah, mais il est venu chez nous, oui. Bah oui, s'il est avec moi, Julie. Qui avec qui énergie partout. Ouais, effectivement, non, mais ça grosse être Sherlock Holmes, grosse déduction. Hein. Et ça aurait pu être quelqu'un en one man, etc. Mais avec le truc, du coup. Mais les gars, mais tu fais exprès ou quoi? Ah, il est peut-être venu à Énergie. L'enquête avance. Ah, le FBI est sur l'enquête. Sans merde. Bon, alors, mais alors je ne m'en souviens pas du tout par contre. On peut retrouver voir qui l'a posté. On a les numéros des auditeurs qui viennent nous voir. Julie, il faut retrouver mais la date. Par rapport à la tête, comment tu sais? Est-ce que tu as trouvé la date sur Twitter? Oui. Pas, mais ça a été posté quand? Mais qui l'a posté surtout? Bah oui, c'est ça. Il l'a mis en photo de profil. Ah, mais donc t'as son Twitter? Ouais. Bah, et bah alors c'est qui c'est? Non, mais... Bah, j'ai essayé de le contacter, sauf que il veut pas entrer du tout en contact avec moi, en fait. Pas du tout. Ah, ouais, il assume pas. Eh, mais ça, tu peux... Alors là, ça fait partie des dossiers où il y en a peut-être plein qui nous écoutent, qui ont vécu la même chose. Si ton père biologique a refait sa vie et Ah non, pas du tout. Hein. Quoi donc, pas du tout? Pas du tout, il a pas refait sa vie. Il vit avec chez ses parents, en fait. Comment? Il vit chez ses parents. Oui, mais ça veut dire qu'il est pas, il se sent peut-être pas apte à il s'est pas senti apte à t'élever. Il était toujours pas en position de. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Il a de prendre ses responsabilités. Il a une longue histoire avec ta mère ou c'était bon, petit coup d'un soir. Un coup d'un soir, pour lui c'était l'erreur. Bah ouais, mais bon, voilà. Je pense que pour lui, malheureusement, je dis pas que c'est bien, mais c'est aussi son choix. C'est aussi son choix de ne pas avoir envie. Ouais. Ah, je sais que ça peut paraître moche. Moi, je le conçois pas non plus. Mais surtout que là, maintenant, t'es grande, etc. Mais bon, voilà. Mais peut-être ça peut lui faire du bien de le rencontrer même une fois, même si elle a une mauvaise surprise. Si, au moins, elle pourra passer à autre chose. S'il veut pas, ça va être le pire choc de sa vie. Parce qu'il va avoir quelqu'un qui va être désagréable, méchant. Et je pense qu'il vaut mieux ne pas rencontrer que de rencontrer quelqu'un qui va être méchant avec toi. D'accord. Et t'as un père, du coup, qui t'a élevé? En fait, comment dire, j'ai vécu en foyer jusqu'à mes 17 ans. D'accord. Bah. Tu viens de péter l'ambiance. Ah ouais, là, t'as tout niqué, là. On était prêt à aller ranger les chambres, là, on était au chaud et tout. Non, mais je pense qu'il faut. Je pense, ma belle, qu'il faut. T'es sortie de l'histoire du foyer parce que t'as quoi, 18 ans? T'as quel âge maintenant? J'ai 19. Tu sors de l'histoire. Je suis avec mon copain. Bah voilà, t'es avec ton copain. Tu sors de l'histoire de ton foyer. Il y a un moment, je pense qu'il vaut mieux que tu. Voilà, laisse un peu passer ça. Tu vas pas me dire que t'es enceinte tout de suite à 18 ans. 19, si, je suis à 3 mois. Ok, très bien. Bien, alors là, donc nous avons une triplette. T'as pas l'impression que tu te compliques un peu la vie? Ouais. T'as pas l'impression que t'as eu une jeunesse un peu pas forcément facile? T'as été en foyer? Bah si, mais vu que mon copain il est plus grand, il est plus âgé que moi. Quel âge il a? 74 ans ou quoi? N'importe quoi. Quel âge il a? Non, la trentaine. La trentaine. Dont 20 en prison. Mais non, mais bon, ouais, voilà, bah, écoute, t'es enceinte. Moi, tu m'aurais posé la question avant, je t'aurais dit. Tu travailles, toi? Moi, je peux pas. Pourquoi tu peux pas? J'ai pas fini mes études. Oui, enfin, tu travailles, c'est compliqué. Il y a des gens qui n'ont pas fait d'études. Il y a des gens qui n'ont pas fait d'études et qui travaillent quand même. Ouais, enfin, là, elle est enceinte, mais... ça fait beaucoup. Non, oui, et lui, il bosse? Oui, oui. Ah bon. Ah, c'est rassurant. C'est déjà ça. Et vous avez un appart où vous vivez ensemble? Une maison. Ah, très bien. Ah, bon. Bah c'est bien ça. Bah, déjà, c'est fait. Oui. Bon. Après... Vous êtes posé, en tout cas. Mais est-ce que tu lui as dit ça à ton père? Parce qu'il est possible que ton père, il ait peur, il n'était pas contacté, parce qu'il avait peur que tu veuilles de l'argent, de machin, tout ça. Si tu lui dis que toi, ça y est, t'as ta vie, que t'es en place et que tout ça, et que t'as pas besoin, c'est pas si tu le recontactes, c'est pas pour l'argent, c'est juste pour avoir un contact avec ton père, parce que c'est juste ton père. Tu vois, et essaye de lui tenir ce discours-là. Ça se trouve, lui, voilà, il a juste peur pour l'instant. Là, maintenant, s'il sait que t'es en place, comme ça, il va pouvoir taxer de la thune. Ça, c'est lui qui va venir t'en chercher. Non, mais alors, ceci dit, rigole la moitié parce que moi, j'ai rencontré quelqu'un une fois qui avait été chercher son père biologique. Ouais. Et c'est le père biologique qui était dans la merde qui lui a dit: écoute, comme je suis dans la merde, est-ce que tu pourrais me donner un peu d'argent? Ouais, c'est les parents qui sont dans la merde, c'est les enfants qui doivent. Donc, il y a un moment, je pense que si vraiment il a pas envie, écoute, laisse tomber, tu peux pas le forcer. Par contre, tu peux envoyer un petit message de temps en temps. T'envoies un petit message, genre, je te rappelle que je suis là, je te rappelle que j'ai rien à te demander, juste bientôt je vais peut-être être enceinte. Enfin, je suis enceinte, je vais être maman, si ça t'intéresse. Tu vois, le rassurer en lui disant que tu lui demandes rien. Peut-être qu'à un moment, il dira oui. Et puis si le mec il vient ici, c'est qu'il déjà il a un peu de goût quand même. Déjà, il aime les bonnes choses. Ah, voilà. Carrément. Il aime rire. Et les beaux gosses. Bien. Il aime les beaux gosses. Ouais. Allez, te prends pas la tête avec ça. Vis ta vie avec ton mec, reconstruis-toi, fais le petit, et puis envoie des petits messages comme ça tranquillement à ton père, d'accord? D'accord. Okay. Bisous, ma belle. Bon courage. Salut, ma Gladys. Je t'embrasse fort. Dans un instant, question pour Aïeuf. Il me fait kiffer. Ah, j'adore ça. On appelle des personnes âgées, et le principe, c'est qu'il faut qu'elles s'y connaissent le plus en expression de jeunes. Ouais. Et alors, ça m'éclate. Restez avec tout sur Énergie. Hashtag Coé, saison 7. On est passé Nash. Nash. Il était notre invité il y a quelques jours avec sa chemise pourrie. Ouais. C'est une claquette. C'est une claquette pourrie. Nash, mais quel talent. I miss you when I can't sleep, or right after coffee, or right when I can't eat. I miss you in my front seat. Still got sand in my sweaters from nights we don't remember. Do you miss me like I miss you? Messed around and got attached to you. Friends can break your heart too, and I'm always tired but never of you. If I pulled a U on you, you wouldn't like that. I put this real out but you wouldn't bite that. I type a text but then I never mind that. I got these feelings but you never mind that. No, oh, keep it on the low. You're still in love with me but your friends don't know. If you wanted me, you would just say so. And if I were you, I would never let me go. I hate you, I love you. But I can't put nobody else above you. I hate you, I love you. I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. I don't mean no harm, I just miss you on my arm. Wedding bells were just alarms. Caution tape around my heart. You ever wonder what we could have been? You said you wouldn't and you did. Lie to me, lie with me, get your fix. Now all my drinks and all my feelings are all mixed. Always missing people that I shouldn't be missing. Sometimes you gotta burn some bridges just to create some distance. I know that I control my thoughts and I should stop reminiscing. But I learned from my dad that it's good to have feelings when love and trust are gone. I guess this is moving on. Everyone I do right does me wrong. So every lonely night I sing this song. I hate you, I love you. I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you. I hate that I want you. You want her, you need her. And I'll never be her. Like she's the only girl you've ever seen. You don't care, you never did. You don't give a damn about me. Yeah, all alone I watch you watch her. She is the only thing you ever see. How is it you slowly killing me? I hate you, I love you. I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you. I hate that I want you. You want her, you need her. And I'll never be her. On dit que la 7e année, c'est une année critique dans un couple. Pour Koé et son équipe, ça va rien changer. Ils se prennent la tête depuis le 1er août. Koé, 19h, 22h, sur Énergie. On est sur Énergie, bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous. J'espère que tout roule. Voici le question pour Ayeuf. Qu'est-ce qu'il y a encore, Julie? On va t'entendre toute la soirée. Rien, rien, mais vous m'avez fait quelque chose dans mon hamburger. Mais je suis donne sûr. Ton burger si tu le veux pas, moi je le vous mange. Avez fait. Vous souriez, lui il filme en loose day. Vous croyez que je vous connais pas? Ça va, et Gaget, il est prêt à le manger, donc ça veut dire que vous avez craché dedans. Vous bah avez non, fait un je suis pas con, s'ils ont craché dedans, je vais pas le manger. Vous parlez là. Son burger, elle le veut pas, elle mange rien. Je te connais, je reconnais ton regard, regarde. T'as un regard de. Si. Bon, on passe aux questions non pour Ayeuf. Allez, on fait bon, question pour j'ai Ayeuf. Envie de dire. C'est quoi ton snap? La réponse est sur Koé off sur Snap. Tu vois, t'as snappé quelque chose. Ah, la réponse est sur Koé off sur Snap. Ah, t'es dégueulasse. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait quoi avec ton burger? Vous êtes cons, les gars, vous êtes pas discrets. Mais oui. Mais vous êtes je sais maintenant qu'on commence. Allez voir les images sur mon Snapchat. Et je vous dirais juste un truc, mais les frites de la pâte à douce, il a pas eu le temps de les filmer. Et c'était pire. Et tu les as mangées par contre, elle. T'as pas senti un goût de Mikado? Voici question pour Ayeuf. Nous appelons Dédé. Je déteste. Et je peux boire ma boisson ou pas? Comment ça se passe? Ouais, je suis obligé de te recommander là. Yéyouté dans le coca. Attention. Est-ce que Dédé salut Jean, ça va? Hein? Ah, où qui c'est? Ah, Jean? Non, Dédé! Oui! C'est Koé, l'appareil, on est sur Énergie, comment ça va Dédé? Ça va bien, j'avais pris pour un collègue, j'ai dit Jean, parce que mes collègues ils appellent Jean, alors j'ai dit Jean, tu m'excuses. Ouais, pas de mal, y'a pas de mal. Dédé, on est sur Énergie, nous allons jouer à question pour Ayeuf, Dédé, tu vas être confronté, vous allez être confronté à Germaine. D'accord Dédé? Ah, salut! Ah oui, j'écoute. Alors attendez, je vais vous présenter Germaine. Ça va vous faire plaisir, c'est une personne super sympathique. Allô, allô Germaine. Oui. Bonsoir, je m'appelle Koé, nous sommes sur Énergie, je suis avec Dédé. Attendez, hein, parce que j'ai la télé en route. Voilà, d'accord. Alors pendant que vous baissez alors, la télé, on écoute. Je m'appelle Koé, Dédé, dites bonsoir à Germaine. Bonsoir Germaine, comment ça va bien? Il écoute Dédé. Il a l'accent. Ah bien. Germaine, oui. Nous sommes sur Énergie. Voici question pour Ayeuf. Je vais vous poser des questions. À vous de me donner les plus belles réponses que vous croyez justes. Ah, à gagner un très beau cadeau, Germaine. Écoutez, on fait vite, hein, parce que le cadeau, ça m'est égal. Ah bon? L'amour du jeu, l'amour du jeu, Germaine. Comment dit-on? Vous pouvez m'appeler madame. Hein ah, oh, d'accord. Madame Germaine. Spinelli. Madame Spinelli. Spinelli. Spinelli. D'accord, Spinelli. Madame Spinelli. Ah. Germaine, Germaine, c'est interdit. C'est pour les intimes. C'est pour les intimes, bien. Comment dit-on, Madame Spinelli, fumer de la drogue en langage jeune? Chourave. Je ne sais pas. Mais je vais attendre, je vous donne les propositions. Allez, pas trop vite. Chourave, bédave ou capucine à nave? Je ne sais pas. Bah, essayez de jouer, Madame Spinelli. Ben non, hein, je ne sais pas, je ne vais pas vous dire n'importe mais quoi. Sachant que je vous donne trois propositions, c'est qu'il y en a forcément une dans les trois. Chourave, bédave ou capucine à nave? Écoutez, ça ne m'amuse pas, votre jeu. Hein bah, elle voulait jouer tout à l'heure. En même temps, depuis le début, vous êtes chanchon, madame. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il s'est passé quelque chose. Vous regardiez les infos, je vous ai coupé pendant Louis Baudin. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Je vous sens toute perturbée. Elle est ronchon. Vous me posez des questions auxquelles je ne peux pas répondre et ça ne vous suffit pas. Mais ce n'est pas que vous ne pouvez pas répondre, vous ne voulez pas faire d'efforts. Il y a la réponse dans les trois propositions, comme chez Julien Lepers. C'est la même chose. La réponse, elle est dedans. On ne peut pas passer à la deuxième question. Si, alors, allez. Vous savez quoi ? On va poser à Dédé, celle-là, du aller, coup. Alors, on va y aller. On la donne à Dédé, celle-là. Bien fait pour vous. Comment dit-on, Madame Spinetti, faire la fête, s'amuser en langage jeune, guincher, crouiller ou s'enjailler ? Je ne sais pas. Oh, non, écoutez, je ne m'amuse Madame pas. Madame Spinetti, vous avez décidé de faire un peu chier le monde, Madame Spinetti. Je joue qu'avec Dédé, hein, sinon. Parce qu'à chaque fois, si un jour vous allez dans un jeu... Écoutez, j'ai 82 ans. Mais ça n'est pas une raison, madame, vous deviez être comme je ça ne à 60. Pas savoir mais madame, comment on le dit en langage. Mais madame, ça veut dire que si un jour vous êtes face à Jean-Luc Reichmann, vous allez lui dire « ça ne m'intéresse pas ». Ouais. Ah non, à lui, je réponds. Ou alors vous allez... Ça ne m'intéresse pas. D'accord, non, ça ne l'intéresse pas. Et la valise RTL. Si un jour la valise RTL vous appelle pour vous proposer de l'argent, vous allez dire ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Rien ne m'intéresse. Rien. Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que je pourrais faire qui vous intéresse, Madame Spinetti? Jackie et Michel. Qu'est-ce que je pourrais faire qui vous intéresse? Je ne vois pas. Hein. Ah, il y a rien qui vous intéresse. Rien ne vous intéresse. Je vais poser des questions auxquelles je peux répondre. Alors on va faire la dernière. Mais c'est là Dédé, moi ça m'aurait fait. Alors on va la faire à Dédé. Regardez, Dédé. Lequel de ces autres mots désigne le zizi? Le quoi? Le zizi. Ça ne m'intéresse pas. Un dab, un zboub ou un chouf? Dédé. Je regrette, monsieur. Ça vous intéresse pas, madame? Ça, je vais vous citer. Oui, c'est très gentil de vouloir me faire participer, mais ça ne m'intéresse pas. Oui, mais j'ai bien compris que ça ne vous intéressait pas, Gloria. Vous allez aller regarder la télé? Non, ça ne vous intéresse pas. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Écoutez-moi bien, bientôt, madame. Au revoir, madame. Vous êtes charmante. Alors, Dédé. Dédé, c'est, la dernière... c'est vous qui allez jouer, finalement, Dédé. Lequel de ces autres mots... Lequel de ces mots désigne un zizi? Le dab, le zboub ou le chouf? Le chouf. C'est au hasard. Non, Dédé, c'était un zboub. Mais pose celle de dessus. On n'a pas eu les réponses, du comment coup. Comment on dit faire la fête? Je me suis trompé. Dédé, comment on dit faire... Dédé, écoute. Comment on dit faire la fête en langage jeune? Guincher, crouiller ou s'enjailler? Ça déroule avec du bruit là. On dit guincher, on dit crouiller ou on dit s'enjailler? Rouiller, non? Grouiller. Bon, bah, rouiller, on va s'arrêter là-dessus alors. Hein. Ah, ça, on est bien. On va se souhaiter gâcher. Une bonne soirée. Gâcher, allez, allez, allez, on souhaite une bonne soirée, Dédé. Hein. Salut, gros Dédé. Bisous. A bientôt Dédé. Il était cool Dédé. Il était cool. Il était nul. Il était cool. Oui, était cool. Au revoir Dédé. A bientôt. Je vous embrasse. Restez avec nous. Il y aura le super jeu dans un instant. Après ce morceau, il est notre invité dans quelques jours. Vous l'avez entendu tout l'été. Il sera là. Ken Jones sur Énergie. J'adore ce morceau. Je kiffe trop. Hashtag Koé saison 7 sur Twitter. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, don't matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go, you know I love them all. African American.

Estelle Pidou qui nous dit qui veut faire un range ta chambre s'il vous plaît, venez faire chez moi, il y en a bien besoin, c'est un dépotoir ma chambre, il y a un ménage à faire. Ah, ça peut être utile, hashtag Coé range ta chambre. Il y en a plein qui disent hashtag Coé range ta chambre. Ouais, ça a l'air de vous faire kiffer ça, non? Ça peut être colorique, marrant. Ça a l'air vachement bien, hein. Il y a plein de gens qui sont en mode. Il ne faut pas mode... que ce soit un dépotoir. Ouais, attention, non plus, on ne fait hein. pas le ménage, on range. On range. C'est pas la même chose. Hein. C'est pas. C'est du c'est... propre. Attendez, d'abord, on va se dire un truc, c'était une idée, le Coé range ta chambre. Oui. On n'a pas encore dit, on le fait. Oui, c'est vrai. Si ça vous plaît, hashtag Coé range ta chambre, mettez-le nous en tété, on verra. Il faut que ça nous plaise aussi. Voilà, mettez-le nous en tété si vous voulez qu'on vienne chez vous. Hashtag Coé range ta chambre, on ne sélectionne pas pour aujourd'hui, mais on voit si déjà ça vous intéresse et ça vous fait marrer. Si on n'est pas en tété, c'est que ça vous fait pas marrer. Ouais. C'est tout, on est comme ça. Vous êtes prêts pour un super jeu? Allez, ouais. Super jeu à l'envers, c'est maman qui piège sa fille. Ah, j'aime bien ça. On l'aime bien celui-là. Ah, on l'aime bien. Ça va, Isabelle? Oui, bonsoir Coé, bonsoir toute l'équipe. On me dit que tu es stressée, Isabelle. À fond. L'attention, elle est au summum. Est-ce que j'ai l'air stressé? Pas du tout. Cool. Et ben voilà, c'est exactement ça. Je suis pas stressé parce qu'on va passer un bon moment, parce qu'on est entre amis, parce que Julie, parce que j'ai envoyé quelqu'un pour chercher des patates douces à Julie. Voilà. Donc, c'est très bizarre ça. La vie va être belle et tout va bien. J'essaie de te faire plaisir, c'est bizarre. Tu veux que je le rappelle? Non, franchement. Non, mais attends, si vous faites rien dans les frites, Isabelle, je te ferai des bisous. Est-ce que je le rappelle? Si, non, ça, non, si t'as non. pas confiance, je le rappelle. Il n'y a aucun gag là-dedans. Je te fais confiance. C'était en mode, je fais plaisir. C'est vrai, bon, bah, ok. Mais tu vas les bouffer, tes patates douces. Je vais les manger. Ah, par contre, je peux te dire qu'on va te mettre une caméra dessus, tu te les finis, mais alors. Tu les manges. Non, mais t'as pas confiance? Je m'en si, fous, j'ai je confiance. Ok, non, j'ai confiance. D'accord. Ok. Donc, je tu vais vas pas faire. Être trahi, hein. Trahi. Attention. Tu joues hein. César, Brutus. Oh, je suis trahi. On voit des complots partout. Bon, avec vous, oui. Isabelle, ta fille Chloé a 18 ans en avril. Oui. Ouais, par contre Chloé, il y a juste une phrase, ça me ressemble pas. Alors attends mon petit chat, on va y arriver. Tu bouges pas, d'accord? Parce que ce qui pourrait pas l'énerver, tu nous as dit, c'est que tu fasses le même tatouage qu'elle, c'est ça? Oui, qu'elle. Parce qu'elle en a un, elle veut que le sien soit unique, elle, évidemment. Non, ça elle en veut un pour ses 18 ans, donc on a pris rendez-vous, mais comme il y a beaucoup d'attentes, c'est rendez-vous au mois d'avril et on y va toutes les deux se le faire. Mais moi, je fais un différent qu'elle. D'accord. Ah, c'est bien ça. Bien, ouais. Tu nous dis, elle a toujours mal partout aux yeux. C'est, comment ça? Non, parce qu'elle a les yeux verts, mais très très clairs, ma fille. Avec le temps, en ce moment, bah, c'est vrai qu'elle a toujours mal, aux yeux. Elle a des allergies. D'accord. C'est le soleil. Tu nous as dit qu'elle était en train de passer son code et elle fait pas mal de fautes. Ah bah pour l'instant, ouais. Et tu dis et c'est là-dessus justement que ça bug la phrase. D'accord. Ah bon, on va voir ça. Et tu m'as dit, elle m'a gonflé aussi avec son plan comptable à chercher, toujours en train de ranger sa chambre, à se lisser les cheveux et surtout à se laver souvent. Ah oui. Ah, souvent les cheveux, elle se lave les cheveux pratiquement tous les jours, tous les deux jours. C'est pas plus mal en même temps, tu préférais casser la peau les trois semaines. C'est sûr, mais bon. D'accord, on y va, voici les premières phrases. Je suis allé me faire le même tatouage que le tien, comme ça on sera pareil. Oui. T'as qu'à trouver une autre idée, me fais pas chier. Oui. Tu ferais mieux de te trouver un mec au lieu de gueuler. Oui. Arrête de prendre soin de toi, tu ressembles à rien. Mmh. Et la dernière, c'était, t'es pas capable d'avoir ton code, tu pues la loose, ma fille. Tu préférerais quoi alors? Oui, tu chies dans la colle, ma fille. Parce tu que chies dans la colle. Je vois jamais. Non mais attends, dans la colle. Moi je m'adapte. Mmh. Tu chies dans la colle, c'est une phrase que j'emploie souvent. Et, pour et j'aime bien imaginer la scène. Ouais. Est-ce que vous êtes déjà imaginé la scène? Ça va être compact après. Après ça va faire un gros retour de colle. Ne bouge pas. Faut pas qu'il y ait un plouf de colle. Oui, ça peut être des gens. On en parle dans un instant. Ne bouge pas, Isabelle. Détends-toi. Allez. La dernière phrase sera donc t'es pas capable d'avoir ton code. Tu chies dans la colle, ma fille. Super. Patate douce en route. Nickel. Oui. Après Cib sur Énergie. This is not for your cries. This is all for your lies. Listen up for your mind. You're killing me over love. Kisses are the only doubt. I listen out from your lies. Don't try your heart, baby, just dreams you found. Sing me all the songs you love. Can I sing them with you now? You're killing me over love. Your kisses are the only doubt. I listen up from your lies. Super vite, c'est un truc de fou. Maître Gims avec nous bientôt. Loris, comment ça va? Ah, impeccable, on est devant donc le magasin, le restaurant, le restaurant de fast-food. Eh bien, tu vas chercher s'il te plaît les patates douces pour Julie. Allez, on y va. D'accord, je te demande s'il te plaît de ne pas faire de cochonnerie. J'ai fait un pacte avec Julie, j'ai dit qu'il n'y en aurait pas. D'accord. Pas de cochonnerie, Loris. On va pas t'entendre dealer, là. Bonjour. Ah, si, quand même. Je travaille l'équipe de Koé sur Énergie. On a eu un souci sur une commande. Ils nous ont appelé, je crois. Et en fait, je viens chercher donc les 3 portions de patates douces plus le burger. Est-ce que c'est possible? Ça marche? Ok, ça marche direct. Bah, évidemment, ok, ça marche. Je pensais qu'il allait dire quoi, le mec? On les aura là? Prends-moi un burger au bacon. Eh hey, oh, oh, okay. Oh. Oui, allô. Il donne tout gratuit. Mais il a pas dit que c'était gratuit. Ouais, c'est ça, je voulais dire. Dis-lui que tu payes pas. C'est gratuit. C'est gratuit. Ah bon, effectivement, ça vaut le coup. Alors, rajoute. Prends-moi une bouteille de champagne. Attends, il y aura un burger bacon. Qui a faim dans le public? Évidemment, il est. Tout le monde a faim. Aux 30 personnes, merci. Loris, tu ramènes. Si après, vous faites vos courses dans votre coin, mais tu ramènes ça pour madame, c'est mon cadeau. C'est très bizarre. On arrive tout de suite. Je te remercie, mon coco. Je vois pas ce que et moi, ça non très bien. Merci. Bah, oui, merci, mon Lolo. T'as pas eu le choix, je t'ai envoyé là-bas. D'ailleurs, on avait dit qu'à 9000 likes, il s'occupait d'aller vendre des iPhones. À l'Apple Store. Ouais, on a 8200 likes. Ah, bah ça va le ça faire. Hein. Faire. On va passer une bonne soirée, ça mais va enchaîner. Pense, hein. Ouais, ouais. Bon, en attendant, Isabelle, est-ce que ça va mieux? Est-ce que tu te détends? Oui, ça va le faire. Redis-moi les 5 phrases à dire à ta fille, Chloé. Je suis allée me faire le même tatouage que le tien, comme ça on sera pareil. T'as qu'à trouver une autre idée, me fais pas chier. Ouais. Tu ferais mieux de te trouver un mec au lieu de gueuler. Ouais. Arrête de prendre soin de toi, tu ressembles à rien. Ouais. T'es pas capable d'avoir ton code. Tu chies dans la colle, ma fille. Tu chies dans la colle, ma fille. Mais rassure-moi, tu l'as pas vue aujourd'hui, là, ta fille. Ah, si, alors, mais j'étais mal. Hein. Si, si. Ouais, mais pour le coup du tatouage, ça craint pas que tu lui dises d'un coup comme ça. Non. Il y a aucune crainte. Ah, c'est pas mieux, s'il est caché par un sparadrap. Il n'est pas obligé de lui dire tout de suite non plus. Allez, on y va, d'accord. C'est parti, on appelle la fille. Allez, go. Et je... Ça sonne. Oui. Ouais, c'est bon, ça va? Ah ouais, tu m'entends? Allô? Oui, je t'entends. Tu m'entends? Putain, mais t'es nul ce soir, oh. Ça fait 15 fois que j'ai essayé de t'appeler, tu réponds pas. Ah bah, ça a sonné qu'une seule fois chez moi. La seule fois que je t'ai appelé, tu m'as raccroché. Mais je t'ai pas raccroché au nez, ça va pas. Ah bah moi, je t'ai essayé de te rappeler, ça m'a raccroché au nez. Et mon téléphone, il a marché comment, là? Ça a affiché le numéro ou comment ça a affiché? Non, numéro privé. Si tu veux. Allô? Alors, écoute-moi. Oui, tu sais, tout à l'heure, avant de partir, avant que je parte au boulot, en fait, je suis pas partie au boulot directement. Et je voulais te le dire avant de rentrer à la maison pour que, que ça amortisse un peu le choc. Je suis allée me faire faire le même tatouage que le tien, comme ça on sera pareil. C'est une blague, j'espère. Non, j'y suis allée. Ça faisait un moment que j'avais envie et je me le suis fait faire. Comme j'ai le pansement qui m'ont mis le film, je voulais pas que... Le même que moi. Eh ben, non, je veux pas... Mais pourquoi t'as fait ça, hein? Ben, je t'avais dit autrefois que je l'aimais bien. Non, oui, mais tu me l'avais dit. Mais moi, je t'ai dit, je veux pas qu'on ait le même. Ben, t'as qu'à te trouver une autre idée, mais tu me fais pas chier. Mais je vais te démonter. Ma parole, je vais te démonter. Pourquoi tu vas me démonter? Tu parles à qui, là? Mais ça veut dire que tu fais pas le même que moi. Eh ben ouais, mais je voulais faire le même. Eh ben, je m'en fous, t'annules mon rendez-vous. Je m'en fous. T'annules, je m'en fous. Rien à foutre. T'annules. Non. T'annules mon rendez-vous. Oh, tu ferais mieux de te trouver un mec au lieu de gueuler, toi. Hein. Tu commences à me saouler, hein. Non, c'est pas toi qui décides, c'est moi qui vais le payer, le tatouage. C'est pas toi. Eh ben non, eh ben t'annules, comme ça tu le payes pas. Eh ben mais le mien je l'ai fait, mais le tien tu feras un autre, tu feras les autres avec les plumes de machin. Voilà, là, et moi fait. Non, je m'en fous, moi je voulais lui que t'as fait. Ouais, mais il a les petites initiales en dessous. Je m'en fous, c'est le même motif. T'es chiante, hein. Ça, c'est bon. Oui, bah je sais, bah c'est pas de ma faute. Eh ben... T'es chiant, t'es chiant. Eh ben maintenant c'est trop tard. Eh ben maintenant c'est trop tard. Ah, c'est trop tard. Et puis tu viens faire un tatouage moche comme ça. Arrête de prendre soin de toi. De toute façon, tu ressembles à rien. À faire tes broches et tes machins là. Et ta poudre sur la tête. Et que je me mets du brushing. Et je me fais un shampoing sec. Non mais attends. Oh, c'est le tatouage. Je me suis fait un tatouage. Attends. Ouais, ben c'est pas drôle en fait. Oui, tu vas pas chialer pour ça, Chloé. Eh ben si, parce que je t'ai dit, t'as cru, de quoi, j'ai cru que j'étais la star. J'avais envie de me faire ce tatouage, j'avais envie de me faire ce tatouage. Ça sera pas le même, et ta soeur, quand elle aura 18 ans, elle sera le même. Oui, bah bien sûr, ça y est, c'est la foire, tout le monde fait le même tatouage. De toute façon, il aurait pas été sur toi, il aurait été moche sur toi. Il était mieux joli sur le mien. Ouais, comme moi je suis mal, Et pourquoi tu retournes au Code 40 au fait? Bah, j'y retourne samedi et demain aussi j'y retourne. Bah, demain c'est pas samedi, t'es pas à l'école vendredi? Samedi et demain je finis à 3h. De toute façon, t'es même pas capable de l'avoir ton code, tu chies dans l'école ma fille. Ah ouais? Ah ouais? Je suis pas capable de l'avoir? On va voir, on verra quand je l'aurai, on verra. Bah ouais. Et le tatouage, le mec il m'a dit que le tien il pourrait le modifier. Ah ouais? Modifie de quoi? Mais de quoi? Eh ben après, je lui ai dit, je voulais te faire la surprise. Moi, je croyais que tu aurais été contente. Je t'ai dit quoi la dernière fois? Je t'ai dit quoi? Bah ouais, mais tu fais pas le même que moi, si tu fais le même que moi, tu l'annules. Ça y est, la dernière fois, le tatoueur, il avait plus de rendez-vous jusqu'au 14 décembre. Et là, oh, miracle, il a un rendez-vous comme par hasard. Chloé, tu sais quoi? Pourquoi tu te fais pas écrire maman avec un cœur, toi? I love oui, maman. Bien sûr, maman, tu me traites de tous les noms. Hein. T'es pas capable d'avoir ton code et tout, puis je vais écrire maman. Tu veux que je gâche ma poche? Tu veux que je fasse quoi? Une allergie à toi? Une allergie à moi? Je vais te faire voir. Tu parles comment? Je ouais, suis ta mère. Si je fais le même tatouage, si je marque maman, ça fait une allergie. Parce que tu fais le même que moi, t'as cru c'était quoi? C'est bon. Eh ben, tu sais quoi? Et le mec, il m'a dit, je lui ai dit, alors on y retournera dans la semaine, mais j'ai commandé le I love maman, j'ai payé les deux tatouages, et il peut te le faire à la fête de Noël. Ouais, allez. Allez, Chloé. Moi, madame, je suis d'accord pour casse-toi avec ton tatouage. Je veux pas le même que moi. Tu veux pas le même tatouage que moi. Donc, madame, tu fais pas le même, c'est tout. Pour le I love maman, donc on fait ça quand? Mais le tien sera trop moche, ton tatouage. Madame, le I love maman, on le fait quand alors? Laisse-le. On le fait quand, madame? Non, c'est. On le programme quand, le I love maman, madame? Eh ben, avant non, je m'en fous. Tu laisses mon tatouage. J'en ai rien à foutre. D'accord. Donc, on annule celui qui était prévu. On fait I love maman. Hein. C'est ça. Écoute-moi, en plus, c'est quoi le tatoueur derrière? C'est le cousin. C'est le tatoueur parce qu'il va passer à la maison pour faire un dessin. On confirme le I love maman, hein, c'est bon. On confirme. Et tu sais, c'est le cousin. Maman, je m'en parle, je démonter. Tu savais très bien que c'était un truc que je voulais à moi toute seule. Et là, oh Chloé, j'ai fait le même tatouage que toi, ça y est. Il est très beau, votre. Oh, mais Chloé, c'est bon, arrête de gueuler, papa, il regarde plus belle la vie. Je m'en fous. Oh. Bah moi je m'en fous pas. Ça fait 15 fois je te dis, je veux mon tatouage. Le jour où on prend rendez-vous, Isabelle, on le fait où le I Love Maman? Il y a le mec qui arrive. On le fait où le I Love Maman? Ouais, il y a le mec qui arrive, allez, sur la cheville. Laisse-moi ton tatouage. Je m'en fous, tu vas te le faire mon avec ce que tu veux là. Tu fais ce que tu veux, tu l'enlèves, je ne veux pas me faire enlever. T'as payé, j'en ai rien à foutre, tu fais pas le même que moi. Attendez, vous allez demander à la demoiselle de se calmer, on parle pas comme ça, hein, d'accord? Un tour en dessous. Hein. C'est bon, t'arrêtes, m'en fous, okay. Tu peux attendre, tu fasses quoi là? Tu veux même t'attacher comme moi, ça y est, arrête de chier dans la toile là. En plus, tout ce que j'ai fait enlever mon dauphin, tu sais, dans le dos, parce que je l'aimais pas, il m'a enlevé tous les trucs. Il t'a enlevé le dauphin une seule fois. Ah, t'es dégueulasse, ce dauphin. Ouais, parce qu'il pique les machins, il était trop abîmé. Il m'a dit qu'il avait plus de 20 ans. Mais t'as pas abîmé, mais un tatouage, ça ne s'enlève pas une seule fois. Comment hein. Attendez, je prends le téléphone. Comment? Un tatouage, ça s'enlève pas une seule fois. Comment ton mec, tiens, il est avec moi, il a pas mais c'est bon. Tu laisses mon tatouage, je m'en fous. Tu peux pas enlever ce que tu veux. Non, votre tatouage, vous l'aurez pas, mademoiselle. Vous, c'est I Love Maman. Ouais, ouais, allez, dégage, toi. C'est avec ma mère à 21h, ça y est, c'est la foire. Quoi, c'est la foire? Bah, votre père, il regarde Plus Belle la Vie. C'est la foire. Alors, on fait des tatouages, on s'amuse. Ça y est, ma mère, elle rentre pas. Ouais, je finis à 9h. Faut savoir ce qu'elle fait, ça y est, elle passe son rêve de tatoueur. Je peux faire mes tatouages à 21h et tout, tranquille. Et alors, où est le problème? Mais il va venir te faire voir des dessins, ce que j'avais choisi. Oui, on va dessiner des plats. Ma mère, elle va rentrer, elle va manger, elle va rester avec nous. Il est là, le problème. Bon, bah, votre père, il regarde Plus Belle la Vie, c'est chiant aussi, non? Ouais, bah, mon père, il regarde Plus Belle la Vie, il fait ce qu'il veut, hein. Ouais. Il est en train de te faire voir des dessins, Chloé. Ouais. Il va te faire voir des dessins qu'il a dessinés, comme il disait l'autre fois. Je m'en fous des dessins, t'annules le rendez-vous, annulé. A2NLUER. J'aime bien le petit cochon. Il manque un petit cochon, il t'emmerde, allez. Ouais, parce que là, vous n'avez pas écrit annuler, vous n'avez pas dit annuler, là. Vous avez dit annuler. Chloé, on va pas se prendre la tête. A2NLUER, annulé, tu comprends? Annulé. Annulé. Bonne réponse. Annulé. J'avais également chaussures en 6 lettres. Et vous aviez quoi? J'avais Armageddon en 9. Oh, Armageddon, non, ça rentre pas. Échafaudage. Vas-y, c'est bon, allez. Échafaudage. Échafaudage. Chloé, écoute pas. Chloé, quoi? Oui, Julie. Patate douce. Quoi? Ah, c'est en deux mots. Patate douce, en deux mots. Patate douce. Allô? Allô? Chloé? Oui? Tu m'appelles Chloé? Allô? Chloé. Oui. Chloé, je m'appelle Chloé. Oui. On est sur énergie, c'est une blague, c'est pour rigoler. Tu veux la démonter. C'est pour rigoler, bravo maman. Je t'aime, très bien maman. Isabelle, bravo. Et Chloé, je voudrais qu'on revienne sur cette petite phrase qui est passée très vite. Moi, je voulais lui que t'as fait. On va se la refaire. Moi, je voulais lui que t'as fait. Qu'est-ce qu'elle gagne, la maman ou la fille? PS4. PS4 pour la famille. Oui. Et papa, Chloé. Allô, Chloé. Oui, ma fille, elle peut pas avoir un cadeau, Michel. Oui, bah une PS4, c'est bien, non? C'est déjà bien. PlayStation 4, c'est pas bien? Quoi? Ah oui, non, mais elle est une photo. Une photo? Bah, j'enlève la PS4, j'ai une photo. Allez, merci, au revoir. Quoi? Vous savez dealer, vous, hein. Si Soprano, il est là demain. Oui. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis le prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le soir le salut, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait une passe et boum dans la nuit car sors de la piste, fais le grand écart de Van Damme. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer, regardez. Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de 2 heures de sport, amène-moi des tirineurs. Comme ce grand blondinier énervé contre Freezer. Ce soir je

Oula, oui, freinez encore. Oui, je vois, je vais vous prescrire de nouveaux disques et plaquettes de frein. Non, non, ne vous inquiétez pas, en ce moment chez Motrio, c'est moins 25% sur le freinage, plus 38 points de contrôle offerts. Je vous en prie. Et pour la prochaine fois, gagnez du temps avec le devis et le rendez-vous sur motrio.fr. Oui, à bientôt. Ah, et si vous avez des copines, dites-leur de venir me voir chez Motrio, on s'occupe de toutes les marques. Motrio, simplifions l'entretien auto. Conditions de l'offre sur motrio.fr. Du lundi au vendredi, à 19h05 sur Chéri 25, une famille dans le besoin. Clairement, on ne sait pas demain si on aura un toit sur la tête. Mais t'as dit, jamais je ferai subir ça à mes enfants. Des centaines de personnes pour lui venir en aide. Vous avez du cœur, Léon Savoyard ! Voici donc la maison. Ça part en lambeaux, mais de partout. Solidarité. Allez, chaîne humaine, les gars ! Partage. Allez, c'est parti, les gars ! Bienveillance. Bienvenue dans votre maison. Tous pour un, présenté par Marc-Emmanuel Dufour. Du lundi au vendredi, à 19h05 sur Chéri 25. Leclerc. Maman, viens voir. Quoi? Si je te dis je veux du volume style, style zéro défaut, mais j'ai pas de temps à perdre pour me maquiller et je veux aller vite. Oui, bah quoi? Maman, mascara volume flash de Rimmel. Regarde, avec 40% de réduction en ce moment chez Leclerc. C'est parce que la beauté est à prix irrésistible chez Leclerc que du 6 au 17 septembre, le mascara volume flash de Rimmel avec 40% de réduction immédiate est à 4,17€ après réduction. Voir modalité dans les magasins participants. Bon, je t'en prends un, je m'en prends un. Mais le mien reste le mien, on est bien d'accord? Promis, Mamoun. On est tous là, merci de nous avoir choisi 20h56 et j'espère que vous passez une belle soirée. Allez-y, contactez-nous 0870 42 48. Voici les patates douces. Ah, Julie, j'adore l'idée. C'est ton kiff. Est-ce que les autres ont commandé aussi ou pas? Non, bon, il y a trois patates douces et le burger que... Qu'est-ce qu'elle fout de trois patates douces? Elle en a demandé une, hein, pas ah, ça va, ça fait on va trois faire jours goûter aux auditeurs. Non, mais il n'y a que trois frites patates en fait. On va faire goûter aux auditeurs. Non, mais c'est pas parce toutes. Mais non, derrière, en dessous, c'est pas tout. Oh non, les gars, vous abusez. De quoi, quoi? Ils se sont pas trompés trois fois. Ils se sont trompés trois fois. Mais il reste une boîte, hein, Julie. Et là, tu. Là, c'est encore des frites. Ah, il y a que des frites normales. Les gars, vous abusez. J'étais trop contente. Je me dis, pour une fois, t'es gentil. Je vais avoir mes frites de patate douce. Frites normales. Frites normales. Frites normales. Frites normales. Frites normales. Frites normales. Bah, je les offre au public. Allez, merci le public, quand même pour voilà, frites pour tout le monde. Allez-y. Ah, c'est pas de bol. C'est vraiment pas de chance, là. Ah, c'est con. Hein. Eh, tu sais, Julie, autant de malchance, faut pas que tu joues l'auto tout de suite. Hein. Parce que là, c'est. Oh là. Abusé, les gars, j'étais trop content. Continue l'émission. Bah oui, allons-y. Ah ouais, on va continuer l'émission, comme si de rien n'était. Merci beaucoup. Dans un instant, on va parler à Yanis qui nous a laissé un message sur Facebook. Yanis, il nous dit ma copine m'a quitté. Smiley triste. Je ne suis pas bien, pouvez-vous m'appeler? Si oui, demandez-moi mon numéro. Smile est triste. Je vous écoute en ce moment. Vous Smile êtes bien, triste. Franchement. Smile est triste. Main de je sais pas quoi, toute jaune. Répondez-moi s'il vous plaît. Smile est triste. Je suis pas très bien, ça faisait 7 mois. Smile est qui pleure. Oh là là. Oh là là. On va t'appeler comme ça. Rire, Smile est triste. Elle est morte de rire alors que c'est des Smile est triste. Je dis Smile est triste, t'es, se fait dessus. Ah, un Smile est triste. Bon, ça va dire. Pas, Yanis? Non, ça va pas top top. Ah mince. Allez, faut te remettre, pouce en l'air. Ah oui. Allez, un peu de joie de vivre, singe qui se frotte les yeux. Non mais c'est vrai mec, écoute, enfin faut passer à autre chose. Ouais. Bah c'est... Pour trouver l'amour, cœur. Franchement, j'aimerais pas. Parce que moi, pour moi, je me suis dit que c'était elle, je me confiais surtout ne bouge elle. Pas mon pote, ne bouge pas mon pote, on en parle dans un instant. Smiley okay, surpris jaune avec gros yeux enchaîné avec Smiley qui fait bisous et quelques robots. D'accord, ne bouge pas. Koué, 19h-22h sur Énergie. We don't talk anymore. merveilleux. Est-ce que je rêve ou on l'a entendu deux fois le démarrage? Est-ce qu'elle nous a mis deux fois Charlie Puth? Hey, elle nous a fait deux fois la We Don't Talk Bravo. Anymore, c'est ça? Allez, remets-le une troisième fois. Il est caca. Allez, vas-y, remets-le. Ah, si, remets t'es obligé, là. Vas-y, on a parlé dessus. Allez, deux, trois, allez. We don't talk anymore. We don't talk anymore. All of it for ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking, you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me, 'cause even after all this time I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Don't wanna know the kind of dress you're wearing tonight. He's holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. C'était Coé. C'est pas de tout bon. Coé, 19h, 22h, sur Énergie. On est sur Énergie, tout le monde. Je voudrais quand même vous voir un truc, vous expliquer un truc que le public a assisté il y a deux minutes. Faut venir nous voir dans le public. Coé, à Énergie, pas bon. Venez assister à ce qui se passe hors antenne. Parce que ce qui se passe hors antenne, c'est que Julie a démonté la gueule de Loris. Non, parce qu'il n'y avait pas de patate douce. Et Loris qui lui dit, je sais pas à quoi ça ressemble une patate douce. Je sais pas à quoi ça ressemble. Il y a quand même une phrase lunaire où il dit, je crois que c'était une patate normale mais qui n'a pas le même goût. C'était douce. Qui douce. Qui douce. Mais en même temps, Julie, si tu lui montres pas. Mais c'est pas à Loris la faute, c'est le mec du resto. S'il sait pas ce que c'est qu'une patate douce alors qu'il en mais vend. Peut-être qu'il a des patates rêches et puis des patates cool. Il appelle ça des patates douces, mais c'est des patates normales. Julie, nous allons faire un jeu. Vous faites peur. Hein. Non, vous allons faire un jeu. Prends ton téléphone portable, prends machin. Voilà. Nous allons lancer. Ah, j'aime pas quand je suis pas au courant, les gars. Alors, écoute-moi bien. Et nous allons conclure cet épisode de la patate douce. Ah, vas-y. Nous avons pour toi une barquette de patates douces parce qu'il ne l'a pas réellement oublié. Ouais. Ah. Bah alors, il y a quoi dedans? Allez. Sauf, il n'y a rien. Ah. Ma main sur ce que tu veux, de rien. Okay. Maintenant, sauf... tu la trouves. Ah, vous êtes des bâtards. Il y a une barquette de patates douces quelque part. Oh, allez, c'est parti, Julie. Allez, c'est parti. Allez, Julie, tu me laisses. Cherche ta patate. Vas-y. Je cherche ta patate. Mais y a pas une appli? Y a pas une patate douce go? Madame Douce. Allez, Julie. Je suis sûre que t'as mis ça dans le public, forcément. Bah, enfin, pourquoi pas si dessus, tant qu'on y est. Enfin, Julie, c'est quand même une barquette de patate douce. Faut pas que. Voilà. Non, y a des chips. Y a des paquets de chips. C'est pas ça. Julie, non. Mais non, mais tu vas pas mettre ça sur le pied. Julie, qui t'a dit que c'était dans le studio? Ah merde! Qui t'a dit que c'était. Vous cherchez à vous débarrasser de moi, studio. C'est ça, mais vous savez pas. Je répète, qui t'a dit que c'était dans le studio? C'est au resto en fait, faut que tu retournes. Voilà. Comment sont-ils venus? C'est en dehors du studio? Ouais, comment sont-ils venus? En scooter? Donc? Dans le scooter? Donc? Peut-être. Est-ce que tu n'es peut-être qu'à quelques mètres dans sans. Dans le casque? Des patates douces dans le casque, le mec il tient pas à son casque. Le mec il te met des frites dans un casque, sérieux, c'est que t'as vrai comme ça. Julie? Est-ce que tu n'es peut-être qu'à quelques mètres de tes patates douces? Bah, c'est dans le scout. Eh ben, vas-y. Et où sont les clés? Où sont les clés? Allez, allez, vas-y. Allez, on y va. Mais vous me faites un truc, je peux pouvoir rentrer, c'est ça? Allez, on y va, c'est parti. Allez, go. Allez, on y va, patates douces. Allez, patates douces. Ouais, on l'a viré. Ok, je dirai plus rien la prochaine fois. Hein. Go, toutes ces patates douces, t'es pas loin, tu te rapproches. C'est où? Tu te rapproches, tu y es presque. Il est où ton scout? Tu y es presque. Alors, attends, j'arrive à l'accueil. Attention, est-ce que tu trouves? Tu chauffes, mais tu chauffes. Mais c'est toi qui avais patate douce? Non. Tu chauffes, tu chauffes. Ah, attends, je vais dehors. Et après, vous allez me laisser dehors. Mais non. Fais vite. Je me méfie tellement avec vous. Allez, vite. Il est où ton scout? Ah. Il est où? Allez, dépêche-toi. Vite, t'as plus que 10 secondes. Attends. Sors de la cellule. Attends, faut que j'arrive à l'ouvrir. C'est comme dans Fort Boyard. Vite, sors. Allez, prends la clé. Attends, j'arrive 10, pas à l'ouvrir. 9. Merde. 8, ça s'ouvre. 7, non. Mais elle crie, c'est juste un scooter à ouvrir. Mais j'arrive pas à ouvrir. Alors c'est sur vous. Oh, tu vas rester bloqué dans la selle. Mais non. Oh, t'as pas ouvert une selle de scooter, mais c'est sérieux? Mais j'arrive pas à l'ouvrir, ça s'ouvre comment? Tu tournes la clé à gauche. Mais ça marche pas. Non mais ça va pas passer une heure, je croyais que ça allait durer deux secondes, moi, qu'elle allait mais ouvrir Laurie, une selle. Mais Laurie, tu peux l'aider qu'on en sorte, là, de cette, ce truc? Mais comment il s'ouvre, ton truc? Non mais vous êtes sérieux, là? Non mais vous êtes en train de tourner, on dirait des poules avec un Rubik's Cube là. Non mais j'avoue, ouais. Comment ça se tourne? Ah, c'est pas ça? Non. Bah non. C'est attends, je touche tous les boutons. Ah, c'est marrant, attends. On dirait le... Attends, je refais. Vas-y. Ah merde, attends, j'ai éteint le contact. Oh. Ah, c'est là. Ah, j'ai réussi à l'ouvrir. Alors ah, quand même. Ah, mais j'ai pas ouvert le bon côté. Ah, ouais, j'ai ouvert le petit coffre, mais pas la selle. Ah, tu me fais chier maintenant. Allez. Ah, ça y est, je les ai. Fais-moi une entrée triomphale, Julie. Tout le monde va applaudir. C'est l'option de la faire une voiture. Ah, ouais, la meuf, tu lui offres un cornet de patates douces. Elle goûte ça. On a l'impression qu'elle vient d'avoir l'euro-million. Allez, vous allez applaudir parce que elle nous saoulera plus avec ses patates douces. Voilà. Bravo. C'est lunaire. Ah, allez, on y va, c'est fini maintenant. On reprend Yanis, smiley triste. Oui, après, libre à toi de savoir si tu me fais confiance et si j'ai rien fait avec tes patates douces. Non, Julie, ça y est, tu as mis le doudou. On y va. Yanis, à toi, mon poteau. Oui, donc. Il s'est fait larguer, c'est ça? Il s'est fait larguer. Smiley triste. Smiley Florent de larmes. Collant au courant de la fête. Ouais, ce que je veux dire. Mais sois un bonhomme, smiley aubergine. C'est vrai qu'il sert à rien. Oui, on dirait une teub. Allez, on y va, continue. Ah, sinon, moi je parle le smiley cactus moi, pour faire la teub. Ah ouais? Ouais, je me l'aubergine. Le smiley banane hein, qui marche bien. Et le banane, elle est de travers un peu. Ouais, le cactus, il est bien droit. Allez, vas-y, continue. Donc voilà, je comprends pas pourquoi ma copine m'a laissé. Ah, peut-être. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, comme explication? Ah, t'as donné quoi? Attendez, je vais vous expliquer en fait toute smiley l'histoire. Crevette. Donc, vous étiez ensemble depuis combien de temps déjà? 7 mois. D'accord. Donc, okay. Au début de notre relation, elle m'a dit comme quoi, voilà, voilà, tu parles pas aux filles, nanani, nanana, bon, ce qui est normal. J'ai eu du mal quand même au début, mais j'ai réussi, j'ai pu parler à aucune fille, j'ai tout supprimé, tout. Et là, bah, il y a deux jours, elle m'annonce que comme quoi, elle a bien aimé avoir plus de liberté, parler à des gars et faire des sorties. Pourquoi tu l'interdisais à parler à des gars et qu'elle sorte ? Sans venir. C'est ça. Ah mais mec, faut que tu lui laisses de la liberté aussi. C'est normal qu'elle réagisse comme ça. Le truc, c'est que elle me disait ça à moi, donc pourquoi pas l'inverse ? Enfin, pourquoi pas le... Ah oui, d'accord. Pareil, quoi. Ok, elle t'interdisait, donc tu lui interdisais. Nous, on n'écoute pas, on cherche des smileys. Smiley, applaudissements. Je suis avec toi, moi. Smiley, applaudissements. Et en gros, je comprends pas, parce que pendant les 7 mois, tout allait bien avec ma copine. Puis elle parlait pas des gars, je parlais pas des filles, tout allait bien. Et là, d'un soir, je rentre du travail. Et je laisse mon téléphone chez moi, je fais une sortie tout seul. Ah, smiley, je pousse vers le bas. Et elle me dit, faut que je te parle. Aïe, aïe, aïe. Et après, elle m'a envoyé un point d'interrogation parce que j'avais pas répondu. Et je vois le message comme quoi elle me dit, voilà, c'est plus possible, je peux plus. Et puis, j'aimerais bien avoir plus de liberté. Smiley, doigt du milieu. il faut le télécharger, il est pas direct. Je l'ai. Tu l'as pas, je l'ai aussi, moi, pareil. On s'en envoie d'ailleurs. Et donc je comprends pas pourquoi pendant tous ces 7 mois elle m'a rien dit. Enfin, elle m'a pas demandé ça. Et il y a 2 jours, elle me dit ça d'un coup, quoi, comme ça. Parce qu'elle a fouillé dans ton téléphone, en fait, je pense. Elle a découvert que t'avais parlé avec des nanas. Mais non, j'avais rien à cacher, elle avait tous mes codes. Mais c'est, excuse-moi. Ah, smiley brute. Les gars, excusez-moi. Pardon, je vais peut-être dire un truc qui est un peu hors norme, mais qu'est-ce que c'est que ces couples où on s'interdit de parler à une fille, on s'interdit de parler à un mec, on se donne attends, je peux finir. On donne les codes à l'autre. Ouais. Elle a tous mes codes, j'ai tous ses codes. C'est quoi ces couples de barjots? Où vous vous donnez vos codes, où vous vous donnez, mais sans déconner, depuis quand vous devez rendre des comptes? Vous êtes en couple, c'est pas ta mère, c'est pas ton père, vous êtes en couple, vous êtes grand. J'ai un problème, c'est que moi, je suis obligé, mais de tout lui dire, le moindre truc que je fais, je suis obligé de tout lui dire. Ah là, et si je lui dis pas. C'est de ouf. Non, c'est même pas ça, c'est même pas elle qui me le demande. Si en fait je le dis pas, c'est à l'intérieur de moi, je vais pas arrêter d'y penser, je vais pas être bien à l'intérieur de moi. Ouais, mais là tu vis pas, mec, t'es enfermé mais sur toi-même. Mais même toi, elle a trop d'emprise sur toi, et au bout d'un moment tu culpabilises tout seul. Ouais, c'est horrible. Tu te gâches la vie, ça te bouffe. Le truc, c'est que quand on sortait là cet été à la plage ou quoi que ce soit, je regardais une fille, mais bon, pas en me disant qu'elle est belle ou quoi que ce soit, c'est juste je regardais une fille, après j'étais pas bien. Je sais pas. Mais gars, c'est que comment on appelle ça, ça porte un nom, ce qui claque là, c'est des pervers narcissiques, c'est pas un truc comme ça. Et c'est qu'en fait la meuf elle est tellement chelou, elle a tellement d'emprise sur toi qu'au bout d'un moment c'est toi qui culpabilises. Emoticône, psy, je sais pas comment on dit. Mais non mais sérieux, et c'est toi au bout d'un moment tu te pourris la vie tout seul. Ah, alors là, que t'es pas comme ça à la base. C'est que la meuf elle a trop d'emprise sur toi. Moi tu t'es fait niquer, mec. Moi je pense que c'est bien que ça y pense. J'ai laissé tous mes potes, même mon meilleur ami, j'ai tout laissé parce qu'il m'en a voulu parce que je suis pas venu chez lui à Lyon. J'ai laissé tous mes amis, j'ai plus parlé à personne. Et puis, c'est la meilleure chose qui te soit arrivée, qu'elle soit barrée. Ouais. Je pense aussi, tu vas être heureux là. Parce que je pense que là, tu tournais un peu psy, hein. C'est pas normal. Hein. Non, c'est pas bon. C'est pas normal quand tu vas sur une plage et que tu regardes une meuf de dire oh, qu'est-ce que j'ai fait. Et je crois que c'est ça s'appelle les pervers narcissiques. C'est-à-dire qu'elle arrive à te faire culpabiliser, toi. Et en fait, c'est toi qui culpabilises. Et non, voilà, oublie là, c'est que de la merde. Bah, c'est que du bon qu'elle soit plus avec toi, en fait. Ah ouais. Et c'est pour ça que t'es encore accro, elle. Et sors-toi tout ça de ta tête et tu verras que tu vas revivre. Oui, mais malheureusement, il est amoureux, donc c'est compliqué pour lui d'oublier aussi. Ah ouais, mais là, c'est que des problèmes, là. Ah, mais là, t'es amoureux. Et puis, on avait fait une petite séparation il y a une ou deux semaines de 4 jours. Et puis, elle arrêtait pas de revenir vers moi. Et puis, moi, justement, c'est moi, au contraire, qu'on dirait que je voulais plus trop. Et elle m'a dit, est-ce qu'on peut se voir à tel jour? J'ai dit, bon, bah, ok. Et je l'ai revue. Bah, je suis tombé tout de suite dans ses bras. On s'est remis ensemble. Et puis là, tout allait bien pendant la semaine qu'on est resté ensemble, la petite semaine. Et je comprends pas que du jour au lendemain, elle me dise ça d'un coup. Non, c'est... Bon. Barjo. Ouais, non, c'est une personne tarée. Non, psycho, faut pas rester. Faut y aller. Compliqué, tu vas te rendre malheureux. Pas bien. Vaut mieux, c'est quoi? Vaut mieux souffrir un grand coup et être tout seul. Des fois, on dit qu'il vaut mieux être tout seul que mal accompagné. Bah, c'est le cas. Là, je pense qu'il vaut mieux que tu. Tu vas te bouffer, sinon. Pas un bon moment, tu t'es tristouille, et puis après, tu verras, tu diras, ah, je peux re-regarder une personne normalement. Mais oui, j'ai pas expliqué ce que je viens de faire. Je n'ai pas. Et voilà. C'était pas ça la vie, mec. Et puis même maintenant je regarde des filles, mais je me dis je dois, elle m'a tellement fait changer en disant parle plus aux filles, plus rien, que maintenant même quand je regarde une fille, je dois plus la regarder. Pour moi, j'ai dit, moi, pour moi, je dois respecter ma copine, je regarde plus aucune fille, quoi. Tu sais que c'est con que vous soyez séparés, parce que vous auriez fait un confession intime incroyable. Ah ouais, en best of là. Incroyable. Ah ouais. Je pense que ça aurait été fantastique. J'ai pas le droit de parler aux filles, t'as pas le droit de parler aux mecs, je t'ai donné tous mes codes, excuse-moi, j'ai regardé une fille en maillot de bain. Non, mais attends, c'est tout ce qu'il y a de plus hallucinant là. Bah pour elle disait que comme quoi c'était normal. Non, c'est pas normal, c'est psycho. C'est pas normal. Quand t'aimes quelqu'un, tu le laisses vivre, il a un petit peu il a son jardin privé aussi, et il te laisse ta liberté, tu vois, que tu puisses voir tes potes, des copines, etc. C'est pas pour autant que tu vas la tromper dès que t'as à l'oral de tourner. Mais au bout d'un moment, elle m'a dit, si tu veux reparler aux filles, tu peux. Mais en fait, dans moi-même, c'est moi-même qui me... Mais elle a pas à te donner, elle a pas à te dire tu peux ou tu peux pas, c'est à toi de décider, c'est pas elle de décider pour toi. Allez, c'est bon, tu peux reparler aux filles, mais une, attention. C'est là où est la différence, c'est que toi, tu fais ta vie, tu décides de parler à qui tu veux, c'est pas elle qui va décider pour toi. Ouais, mais pour moi, voilà, moi je l'aimais, j'ai tout voulu faire pour la garder. Et regarde, au final, elle est partie. Quand on est amoureux, des fois, on est con, et on s'en rend compte que quand c'est fini. Ouais. Donc là, je crois que tu vas commencer à te rendre compte que t'as peut-être été un peu exagéré et que t'étais peut-être un peu con. Et ressors avec tes potes et vois d'autres nanas, enfin d'autres. Et regarde-les en te disant que c'est bien de les regarder, dis donc, je fais rien de mal. Smiley paire de couilles. C'est la pêche. Ouais, même maintenant, j'ai envie de la récupérer. Lâche-nous avec la psycho. Enfin, Yannani, se fais pas ça. T'es pas heureux avec une nana, vous êtes séparés, remis, elle te largue, elle te machin, t'oses pas regarder, elle te dit je t'autorise à parler à d'autres filles et tout, et toi t'y retournes, mais t'aimes bien les coups en fait. C'est ça, t'aimes bien les coups, toi t'es un petit soumis. Non, mais au bout d'un moment il est soumis, ouais. Il se soumet lui-même sans faire gaffe. Ouais. Ça a intégré ça. Mais allez, allez, tiens, regarde-moi, soulève le bras. Ça va faire sourire. Je te fais un bisou, mais arrête, allez, n'y retourne pas. Oui. Il y a des milliards de nanas sur cette terre, mon pote. Ouais. Des milliards. Et qui te traiteront mieux. Quoi? Non, moi j'en suis pas une, mais t'en as des milliards, mais pas moi. Juste moi pour que. Oui, qu'est-ce que tu voulais dire? Je peux vous passer un message? Oui. Bah déjà, je sais pas si t'avais lu jusqu'en haut. Je vous écoute depuis le temps que vous êtes avec Enora. Enfin, elle est partie. 7 ans. Et je voulais vous dire que vous êtes énorme et continuez ce que vous faites. Et c'est super, je vous écoute tout le temps. Et je te fais un bisou et n'y retourne pas. C'est le conseil du mec que t'écoutes tout le temps. Tiens-nous au courant, en tout cas. N'y retourne pas. À bientôt. Koé aussi. Oui. Est-ce que je pourrais avoir une photo dédicacée? On te la fait, les nouvelles vont arriver, d'accord? Ok. À bientôt, mon pote, gros bisous. On est sur Énergie, j'espère que tout va bien. T'as vu, ça fait sourire le guigui. Tout le monde, tu les bouffes, tes patates douces? Oui, ou pas? Bah j'attendais. Chier pendant une heure, tu les manges maintenant. Après, je mange pas l'antenne. I'm wrong.

Voilà. Non, moi je pense que effectivement Pierre a raison, on a mis trop de hashtags ce soir. Oh, et puis il y avait un défi Instagram aussi. Ouais. Oui. Ah d'ailleurs, hein, on a beaucoup de choses. Alors ? Bah d'ailleurs, bah, j'ai envie de crier moi. Bah combien on est ? On a 9000 là. Comment tu veux qu'on chante sur une musique que tu baisses pas? J'avais dit de le mettre à fond là dernière. Ouais. Au début. Mais après tu baisses à la fin. Mais après, quand on chante, à partir du moment où on chante, après faut le baisser un petit peu. Parce que Julie a dit tout le temps dans le cul à la fin. Et là je l'ai dit, mais ça s'est pas entendu. Ça s'est pas entendu. Mais tant mieux. Bon, tout ça pour dire qu'on a eu les 9000 likes, donc tu vas faire ton défi. Très bien. Voilà. Il a l'air enchanté. Tu prendras des frites à la patate douce au passage. Hein, répète. Tu prendras des frites à la patate douce c'est au passage. C'est pas ce que t'as dit, du coup. Ah, t'as dit prendre des frites à la patate douce. C'est pas du tout la même chose. Hein. Voilà. Bon, alors en attendant, jeu de l'équipe. Allez. Oh là là, oui, ça. Donc 9000 likes, ça veut dire qu'il va aller se transformer en vendeur d'iPhone 7. Là, c'est fermé, ça veut dire qu'il le tourne demain matin. Ouais. Et vous verrez la vidéo. Allez voir la vidéo où il essaie en dresseur de Pokémon de chasser des gens dans la rue. Et vous verrez que c'est drôle. Allez sur notre chaîne YouTube voir tout ça. Il y a le lien sur notre Facebook, Coé officiel. Vous vous occuperez de tout ça. Pour le jeu s'appelle le QQ ou la canette piège. Oui. Oh là là. Cela demande des explications. Alors aujourd'hui, je crois que c'est le jour de la noisette. Ouais, c'est ça. C'est vrai. C'est la période où il y a des noisettes en ce moment. Donc on va faire un jeu. Si il va falloir viser une canette au lance-pierre sur le cucu de quelqu'un. Si le viseur, celui qui tire, il tape la canette, il gagne une tartine de Nutella. Et si il rate la canette et qu'il touche le cucu, il remplace le mec, c'est-à-dire qu'il met son cucu à lui. Ça va être tendu. En lui, ça va faire mal. Il y a des noisettes au lance-pierre. Et moi, j'ai pas envie d'avoir le bleu, les gars. Faut viser la canette sur le cucu d'un mec. Si tu vises la canette, t'as une tartine de Nutella. Si tu vises le cucu, tu prends la place du mec. Et bien, Pietre va nous montrer. Et c'est notre jeune assistant, Guillaume, l'homme le plus musclé de la Terre, voilà, qui va donc nous montrer. Alors, voilà, mets-toi en position. Ah non, mais vous avez miné une fille des bois. Mais ça fait mal. Non, Pietre, écoute, parle dans le micro. Je sais ce que tu. Attends, ne dis rien. Je sais ce que tu vas me dire. C'est il fallait le garder avec la coquille parce que ça fait mal. Bah oui. Ouais. Et là on est tombé sur une bande d'abrutis d'assistants qui se sont tous fait chier à casser des noisettes pour prendre. C'est quand même dur encore, hein, ça fait un caillou. Mais c'est dur quand vous même. Vous auriez dû prendre des noisettes en poudre. Je mais pense non, que les mecs qui leur auraient dit des noix, ils auraient ouvert les noix. Vous voulez trop bien faire les gars. Ah mais vous voulez bien faire mais vous lisez pas les jeux quoi, c'est là, le problème. Ça fait rien ça. Ah bah, si, on va essayer, pas. On va essayer. Allez, mets la canette. Tu rigoles, c'est quand même dur, je pense. Cambre-toi, ça va pas tenir. Cambre-toi. Paye ton boule, twerk. Ça peut pas tenir là. Ah, mais dans cette position là, pas sur le côté. Attention, oh, attention, putain, écoutez le bruit. Là, il va douiller. Attention. Ah, hey, il a eu la canette. La tartine. Ça veut dire que Guillaume reste encore en position. Trop bien visé. Oh, il est mou. Mais fais pas genre, t'as eu mal, il a eu la canette. Voilà, et bah, pour la peine, Guillaume il reste. Bah, à mon tour. Ah oui, mais et non. Si tu rates, c'est toi qui prends ça. Ah bah non, oui. Alors non. On joue. J'ai jamais tiré au lance-pierre. Ça c'est vraiment un truc de branleur le lance-pierre. Hein. Donnez-moi une noisette sans coquille. Tiens. Voilà. Merci beaucoup. Toi t'as une position, faut raconter voir, ouais. Raconte-moi de la vidéo un jour. Baisse voilà. Le dos. Non mais là comme tu l'avais. Voilà, ouais. Comme on revient. Voilà, on est. Bouge pas, ça roule. Non, mais bah, armement de la noisette. Mais c'est comme ça qu'il a visé. Un pro, toi. J'ai jamais tiré avec ça moi. Vas-y. Hey. Et Roque, attends. Comment ça marche? Il faut tirer comment? Faites attention à vos yeux à mon avis parce que. On va être dans la merde sinon. Attends. La canette bouge. Mais comment tu vises toi? Tu vas lui faire du haut vers le bas. Oh, mais tire pas comme ça. Tu vas lui ouvrir les fesses. Quoi? Ça à toi. Ça à toi. Non. Non. Ah si, t'as eu le cucu là. Allez. Hey, Guillaume, pas moi. Mais pas moi. C'est à Guillaume de tirer, il faut se venger. Vous voulez pas que ce soit Julie? Non, on fait Julie. Non. Si, je le fais, mais c'est Julie qui tire. Voilà, comme ça, si jamais elle le rate, ce sera le cucu de Julie. Voilà. Très bien. Et lui, je vais rater. Alors, par contre, moi, je suis encore moins combré que le petit. Hein. Donc, ça va être très difficile, j'ai les fesses plates. Voilà, je remonte mon pantalon. J'ai jamais tiré au lance-pierre. Alors, attends, laisse-moi déjà le temps de mettre la canette. Allez, on y va. Mais non, mais tu peux plier plus que ça. J'en connais un ou deux qui vont me parler différemment la semaine prochaine. Non, mais attends, je sais pas tirer, moi. Bouge plus, hein. Julie, je te préviens, fais gaffe quand même. Non, mais là, je suis pas mise en l'air, là. Julie. Vas-y, vas-y. Julie, alarme. Ah, ça a tiré où? Viens, viens là. T'as tiré à côté. T'as eu les fesses. J'ai eu le dos, j'ai eu le dos. Allez, on recommence une dernière fois. Je peux tirer, moi, ou pas? Je le fais parce que vous tirez très bien. Après, ce sera à vous, Guéguette. Merci. Non, Piette va le faire. Piette va le faire. Oui, oui. Mais pas du tout, c'est une noisette, y a pas la coquille. Allez. Et imagine si jamais tu vises très bien et choupe la noisette disparaît. Elle la retrouve pas. Et là, elle éternue, elle revient. Chiche, son noisette. Et demain matin, elle se réveille, elle fait. C'est marrant, j'ai une noisette dans la bouche. Super mal. Je sais pas comment elle est remontée. Super mal. Julie, n'aie pas peur. Tu nous connais, on est des. Oh là là, par contre, c'est pas la même. C'est sympathique. C'est pas les mêmes fesses que moi. Allez. Allez, donc. Cette séquence va beaucoup plaire à quelques adolescents qui écoutent cette émission. Ça va durer 50 ans. Qui vont la voir et la revoir. Arrête de bouger. Arrête de bouger. Non mais arrête de bouger. Comment tu veux qu'il te. Eh, ça fait pas mal. Les gars. Ça ne fait pas mal. Tu viens de me le faire. Bah arrête, je sais pas tirer. On y va. Ne bouge plus. Ne bouge plus. Et arrête. Ce jeu va durer une heure. Ah, ça va être chiant. Ah, c'est long avec elle. On perd un temps fou. Ne bouge plus, hein. Bouge pas. Bouge pas. Ça va faire des vues, ça. Ne bouge plus. Mais ne bouge plus. Pietre est dans la. Oh là là là là là, là. Non, ça fait pas mal. Mais ça fait mal. Mais ça fait mal, tu n'as rien fait. C'est magique. Eh, excuse-moi, t'as pris des trucs plus gros qu'une noisette, on va pas en parler pendant une heure. À un moment, l'autre, elle nous vend toujours les grosses teubes, elle nous fait chier pour une noisette. Ça va aller maintenant? Ça va aller, tu te remets en position. Piette, s'il te plaît. Piette. Julie, bagne. Piette. Allez, il va viser la canette, il vise bien. Qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé? T'as vu la canette? C'est bien Pietre. Restez avec nous pour la suite. Dans un instant, le jeu continue. C'est Pietre qui reprendra la position. Mais non, j'ai eu la canette. Je crois que t'as pas eu la canette. Et surtout, t'as mis deux noisettes. Ah, tout de suite, bougez pas. En même temps, là, je crois il y avait plus de fesses que de canettes. Hein. Donc bon, restez là pour la suite. J'espère que tout va de votre côté. Qu'est-ce qu'on écoute? Maître Gims, c'est Jules. Maître Gims sera notre invité. Le copain de Julie, Jules, sur Énergie. Que faire de tout ce qu'ils disent? Le guide a changé. On entend le bruit de ta caisse quand tu passes au quartier. Tu contrôles toute la zone depuis les Champs-Élysées. 700 chevaux, pile poil, je crois quitter la ville. Les mecs m'embrassent comme si j'étais la mif. Ta sœur est belle, tu forces la bise. Je chante depuis Brigadier Sabali. Pousse-toi de la lance, puis passe par ici. C'est plus de Nîmes, Aziz, la malice. Ça casse plus vite, on s'en profite la manif. Les petites grimaces, les puissances. Regarde dans mes yeux, ce n'est pas la joie. Je garde la foi, je suis le chasseur, t'es la proie. Mais ça va être toi, seul je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais m'asseoir, à croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui tout va bien, hier ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme un fou dans les rues de Marseille. Je vois les gens essayer d'en tirer. Ils voulaient me la faire à l'envers, il est beau. J'suis pas le number one, mais j'écris, j'ai les gros. Album sur album, du il est chaud. Hey. chorégraphie. Hey. La tête depuis le 1er août. Coé, 19h, 22h, sur Énergie. Oui. Surtout ce morceau de Kate Jones que j'adore. Dans quelques jours, on le fera. Ça va être énorme. J'aime bien ça. Je crois que ça y est, on y est. En top tweet France, hashtag Coé range ta chambre. Donc, on va donc aller ranger votre chambre. À partir de lundi, on vous explique comment faire pour vous inscrire. On va y aller. On va y aller. On va y aller. On va prendre des gens. On va y aller vraiment, vraiment, t'es sûr? Ah, vraiment. D'accord. Ah mais j'espère que ça va pas être c'est du propre là. Ouais, vous c'est ça. Non, non, non, on range, on nettoie pas. On y va avec des gants quand même. Ils avaient des chiottes, ils avaient des trucs dans un état dans cette émission. Les bêtes et tout, les cafards. Mais c'était et tout, dégueulasse. Ouais. Tu disais comment les gens peuvent vivre là-dedans. C'était. Ouais. Mais c'est abusé aussi, c'était faké. Non, non, mais il y en a. Il y avait vraiment des. Je crois qu'il y a des crados. Il y avait des caméramans qui avaient chopé des trucs, des ogelets, là, je sais pas quoi, des mycoses et tout. Ah non, je crois que c'était bien dégueulasse. Mélanie. Oui. Bonjour Mélanie. Bonjour Coé, bonjour à toute l'équipe. Ça va Mélanie? Il y a un truc qui vibre sur ma table comme un téléphone. Il y a un téléphone qui sonne. Jette-le. Oh là là, il a écrit. Qui Maman. Réponds. Vas-y, rappelle ta mère. Vas-y. Elle nous dérange en pleine émission là. Excuse-moi, je gère un truc avec Pilbol. Vas-y. C'est pour qu'il aille se coucher, sa mère, elle l'appelait là. Voilà. Et 21h40. T'as mis ton pyjama. Ok. Comment elle s'appelle? Comment? Dorothée. Dorothée, ta mère s'appelle Dorothée. Elle a quel âge? Son père, c'est Jackie. Elle a quel âge? Quel âge elle a, ta mère? Truc de vieux. Ouais. Quel âge elle a? Elle est 69. Tu sais pas quel âge a ta mère? Je te laisse faire le calcul. Ça te prend une heure. Hein, je vais te laisser. 69, on est en 2016. Oui, je te laisse faire le calcul. Allô, madame? Oui, bonjour. Dorothée, bonjour. Oh, elle a une jolie voix. Bonjour. À qui vous. Vous vouliez votre garçon? Oui. Alors on appelle son garçon alors qu'il est encore en train de travailler? Ben, je pensais qu'il avait terminé, moi. Ben, c'est bien, vous suivez les horaires dans les familles. 19h, 22h, et quelle heure il est, Dorothée? Ah oui, c'est vrai, mince. Oh, ben alors on est venu, on dérange son garçon pendant qu'il travaille. Non, parce que justement, ça tombe bien que je vous ai au téléphone. Oula. Mon garçon est beau quand même, hein. Non. Non. Non, je veux bien tout entendre, hein. Dites qu'il est sympa, mais beau. Non, mais là, elle l'a regardé avec les yeux de l'amour. Non, mais c'est vous l'avez regardé avec les yeux d'une mère, mais maintenant, voilà. Enlevez les yeux d'une mère, mettez les yeux d'une femme. C'est pas possible, regardez. Avec les t-shirts en marbre. Il tient de vous ou il tient du père? Je crois qu'il tient de moi. Ah, bah, dis donc. J'ai hâte de vous rencontrer. Voilà, c'est à gagner. Non, mais sinon, il est sympa, hein. Oui, je pense qu'il est sympa, mon garçon. Oui. Il essaie de se donner à fond. Il a des t-shirts de merde, par contre. Il faut que vous fassiez un truc, parce que la dernière fois, il est venu avec un t-shirt en marbre. J'ai jamais vu ça de ma vie. Non, mais ça, faut aller voir avec son papa. Ah. Ça, c'est un achat de son papa. Ah, mais ça, ne laissez pas acheter des fringues par les mecs. On sait pas faire. Le t-shirt du jour passe, hein, ça va. Hein. Non, le t-shirt du jour, ça va. Il a une copine, comment vous en savez plus sur lui, non? Ah non, je sais pas, il est très discret. Ouais. Ah. Enfin, nous, on le voit surtout avec des garçons. Nous, on le voit beaucoup avec des garçons. Hein. Il vous a raconté ou pas? Parce que si vous n'avez jamais vécu une fille, c'est qu'il y a peut-être une raison. Non? Non. Bah, si. Non. Ah, bah, si. D'accord, bah, pas d'accord. Hein. Ça, hein. Il a pas le choix. Hein. Ah, il aime George Michael et Mylène Farmer, vous avez dû vous poser des questions. Hein. À un moment donné. Eh, bon. Allez, je vous fais un bisou. Vous voulez poser une question? Vous voulez dire un truc? Je peux faire le relais? Non, mais non, je voulais voilà, le taquiner sur ce que vous lui avez dit, mais j'ai pas regardé l'heure, désolé. Qu'est-ce que j'ai dit? Qui était moche. Je l'ai écouté, je l'ai entendu à la radio. Bah, t'es pas beau, mec. Tu trouves? Ah ouais. Oh, ça va pas. Non, sérieux, t'es pas. C'est subjectif, la beauté. Oui, mais enfin, là, c'est réaliste. Tu peut-être pas beau, mais... Bon, allez, je vous fais un bisou, maman. Bisous, maman. Est-ce que vous en avez un deuxième derrière, plus beau que le premier ou pas? Il n'y a que lui. Là, c'était le brouillon, non? Ah non, j'en ai un autre. Vous en avez un? Ah, bah, c'était le brouillon, il y en a un autre. Ah, ouais, voilà. Et quel âge il a, l'autre? 26. Ah, voilà. Bon, allez, je vous embrasse. Vous habitez où? Pélissane. Ah, où? Pélissane. C'est où? À côté de Salon de Provence. Ah, d'accord. Eh ben, je vous fais un bisou et j'espère à bientôt. Vous viendrez nous voir, d'accord? Oui, il n'y a pas de souci. Ça, c'est prévu. Au revoir, Dorothée. Allez, bonne soirée. Au revoir, c'est Jackie. Elle est gentille, ta maman. Elle est gentille. Hein? J'aime bien ma maman. Bah, j'espère bien. Comment il dit ça? Bah, j'espère que t'aimes bien ta maman. On était avec une auditrice à la base. Hein. Mélanie, 23 ans. Ça va, Mélanie? Ça va, merci. Dans un instant, de quoi? Salut ma chérie, de quoi on parlera dans un instant après Jonas Blue? D'un jeu sexuel qui a mal tourné. Oh, le jeu du cucu de la canette. Il a jamais visé. Et la canette a disparu. Ah. Alors on en parle dans un instant, ne bouge pas ma chérie. Ne bouge pas. D'ailleurs, Pietre. Ouais. Bah, ça devait être à toi après. Bah non, mais c'est bon. Bah, oh non, on finira l'émission par toi. Bah non, c'est. Mais non, tu as raté la canette. On, oui, t'a, entendu, on t'a entendu racler ta gorge, Mélanie. Si je peux me permettre. Oui. Je te laisse garer ton camion, on arrive dans deux minutes, Mélanie, d'accord? A tout de suite, ma chérie. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. The secret tomorrow we'll hold. We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. Feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold. We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for.

assez calme à ce niveau-là. Enfin, il n'offre pas grand-chose. Ouais. Et du coup, ça fait quelques ça temps arrive. Que je me suis dit peut-être que si je me faisais attacher, ce serait plus excitant. Mais en même temps, vous savez, je vais défendre un peu ton copain, ma chérie. Parce que nous, des fois, les mecs, on se dit, si on a une envie d'innover, si on le dit, on peut se prendre, ah, mais ça va, t'es qu'un porc, toi. C'est ton fantasme, ouais, ça. Hein, ouais. Mais non, on va pas repartir là-dedans. Mais c'est un peu ça, Pietre. Oui, des mais fois, les mecs, il faut y aller doucement. Si tu passes de rien à je vais t'attacher et te mettre la tête dans les toilettes, oui. Évidemment, ouais, ça fait ça bizarre. Mais faut y aller progressivement. Julie est en train de se dire j'aimerais bien. Non, bon, quand même pas. Et donc, Mélanie, alors, c'est toi qui as pris l'initiative? Oui, bah, en fait, ça fait plusieurs fois que je propose et plusieurs fois qu'il me dit non. De t'attacher. Et donc là, il a voulu. Oui. Il a voulu te faire la surprise. Oui, enfin, la surprise, c'était qu'il me dit oui, finalement. Ah, mais, d'accord. Du coup, on a été pris de court, on a pris ce qu'on avait sous la main. Et du barbelé? Non, on a pris du scotch pour le déménagement. Ouais. Ah ouais. Enfin, mais les garçons. Oui. Et alors c'était excitant au début, c'était parfait. Le problème, c'est que bah, du coup, au bout de quelques minutes, ça commençait à le sang commençait à plus passer. Donc j'avais mal, ça a tout coupé l'excitation. Quoi. C'était pas... Ah, attends, du scotch pour déménager, il a couché ça. Ouais, moi aussi, je suis excité, mais je déconne pas. Ouais, c'est bien, ouais. Ah, ouais, ah oui, ah bah mais pourquoi vous avez pris ça? Il a serré fort, je pense, donc. Ouais. Bah parce qu'on avait que ça, et je pense. Mais que il a bien des cravates, ton mec. Il va pas niquer une cravate en faisant un nœud. Ceinture, tu l'attaches. Mais alors, moi, si j'avais une cravate, mais pas une seconde, je t'attache les mains à un lit avec ma cravate. Ah, mais ça, c'est pour le coup, c'est sensuel. Mais c'est ma cravate, je vais pas abîmer une cravate parce que je fais un nœud. Bah, des chaussettes. Cravate pourrie, t'as toujours des cravates dont tu te sers pas. J'ai pas de cravate pourrie, je t'emmerde. Non, d'abord, je fais pas beaucoup de cravate, et puis je vais pas faire un nœud avec une cravate. Tu mets des chaussettes. Non, ça craint. Vas-y, tu reviens du foot, tu fais un nœud avec tes chaussettes. Oui. Tiens, mais tu mets ça sous le nez. Non, mais par contre, moi, on m'attache avec des cravates. Moi, on m'attache avec des cravates. Déjà, tu pourrais parler au passé. Ouais. Genre, il m'est arrivé qu'on m'attache avec des cravates. Ton chéri t'attache avec des cravates? Non, mais auparavant, on m'a déjà attaché avec des cravates. Et j'adore ce silence. Ah ouais, bah ouais. Tu m'attends, essaie d'imaginer là. Ouais, si, au barreau du lit avec les cravates. Je trouve ça plus sensuel. Ça fait pas mal. Moi, j'ai pas de barreau à mon lit. Je saurais pas où attacher quelqu'un. Pas de barreau. Moi, j'ai une tête de lit. Bah, tu les attaches entre elles. Ça attache les mains entre elles. Mais non, mais c'est attaché au truc, pour attacher les scooters là. Ah, dehors, ça je peux. Sur le parking. Oui. Tu mets ton U. Ou un caddie, tu sais, les chaînes de caddie là, au supermarché. Voilà. Quand ils sont à la queue leu, le petit train du caddie. Non, mais tu peux attacher les mains pour le coup si t'as pas de barreau. Ah oui, c'est moins excitant, qu'elles bougent les mains. Ouais. Oui, mais bon, t'as la sensation d'être attaché. Bah, tu les attaches avec les pieds. Ça te plaît ça? Moi, j'aime bien être attaché, ouais. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Et alors, est-ce que t'as aimé Mélanie? Non, pas du tout, visiblement. Bah, au début c'était bien, c'est la fin qui était. Mais en même temps, il y a du scotch beaucoup, pour déménager. Moins excitant. Mais il a réussi à l'enlever. Non, j'ai dormi comme ça. Il a pris des ciseaux. Attends, j'ai plus de main parce qu'on a dû amputer. Non, puis en plus, si tu mets trop de couches, ce scotch-là, il fait des cisses. Il se met les feuilles contre les autres et après, du coup, ça devient super dur à enlever, quoi, à couper. Comment vous avez fait? Bah, après, on a mis un coup de ciseaux. Ah, ça t'a pas arraché les poils? Bah, un petit peu, mais du coup, j'avais. Ça me faisait tellement mal que finalement ça me faisait. En même temps, t'as rarement une touffe au poignet en même temps. Bon, une fille, t'as toujours des duvets quoi. Oui, mais enfin un peu de duvet. C'est pas non plus des touffes de poils. Bon, bref, tu t'en es sorti quand même. Oui, mais du coup, j'aimerais bien en savoir si vous avez des astuces pour recommencer, que ça se passe bien. Eh bien, écoute ce qu'a dit Julie, la cravate. La cravate, c'est pas mal. Il porte des cravates? Non. La chaussette? Ou alors du gaffeur pour pousser. Mais si sinon, les menottes, gaffeurs, tout simplement. Mais les menottes dans les sex shops, ça vaut pas très cher, c'est mignon. Bah oui. Ouais, mais là, il fallait en avoir sur place. Ils avaient rien. Ils en font de la fourrure. Ouais, avec des petits trucs roses, là. Ou alors avec la ceinture du peignoir, tu sais, aussi. Ouais, si, ça, carrément. Ouais, la ceinture du peignoir. Avec la laisse du chien. Ouais. Avec le collier en même temps. Non, mais c'est pas mal. Le coup du truc du peignoir, pas mal. Ouais, c'est pas mal ça. Mais je dis ça, mais je crois que j'ai dû le faire deux fois dans ma vie, moi, ça. Eh bah, tu veux que je te dise, j'ai jamais fait. Moi non plus. T'as jamais attaché une nana? Non. Les menottes, ouais, toi mais le côté très... attaché au lit. Très quoi? Bon, je sais pas, t'as des tripes un peu très bizarres. Très attacheur. J'ai des tripes un peu bizarres. C'est quoi ça? Je sais pas, j'en sais rien. Non? Non, j'ai pas des tripes bizarres. Non, puis même, ouais, mais attaché au lit, c'est vrai qu'il faut. À 7 ou 8 habillés en barreaux sur mon lit pour t'attacher. Ça se fait plus les lits avec des barreaux. J'ai plus de lits avec des barreaux, d'accord? Ouais, j'avoue, ouais. Bah, moi, c'était il y a longtemps. Ah, le malaise. Le malaise à chaque fois, le blanc, tu sais. Moi j'ai pas de lit avec des barreaux, je saurais pas où accrocher quelqu'un. Je te après il y a le pied du lit au pire, mais pied du lit, ouais, mais elle, est terre, ah, ouais, elle est par terre. Ah oui, elle est par terre. Un tapis justement, c'est, ça fait partie du truc. Pas mal ça. Ouais ouais, au pied pas du mal, lit, au lit du bébé du coup, lit. Avec ouais. des barreaux. Pendant mais qu'il tu est dedans. Vas pas être mais tu vas pas te mettre par terre. Si t'as un tapis, c'est pas sympa. Un tapis, une moquette. Et puis après comme ça, tu as sa tâche, comme ça, t'as tout le lit pour toi pour dormir après derrière. Et une fois que c'est attaché au lit, tu dis bonne nuit, je peux mater le foot. Ah, t'as voulu crier, tu cries. Tu as mis par terre. Ah non mais voilà, non mais j'ai et moi je l'ai jamais fait non plus. J'ai jamais attaché personne. Tu devrais faire ça, c'est sympa. Oui, mais je saurais pas où l'attacher, je saurais pas comment l'attacher, je saurais pas. Tout le monde n'a pas la chambre de Christian Grey quoi, je veux dire. Ah, j'avoue. Est-ce qu'il faut apprendre à faire les nœuds marins d'abord ou pas? Ah oui, c'est non, vrai. Tu fais des je sors pas, du j'en sais rien. Je tourne autour ouais. du machin et tout. Ah, ah ouais, non. Peut-être ouais. Bon, moi j'ai jamais fait. Julie l'a fait, piète pas beaucoup, Guéguette. Non. Jamais. Non. Je vois pas Madame Guéguette se faire attacher non plus. Ouais, ça pourrait, mais c'est pas. Enfin, je sais pas. Ah, c'est elle pas mange mieux. Le lit, elle mange le lit, elle mange les barreaux. Non, je le sens pas, tu t'en elle prends mange lit, les barreaux. J'ai pas de barreaux, j'ai même pas de tête de lit. Ah non, cette tête de lit, elle est en carrelage chez Guéguette. Ouais, elle est en faïence. Julie, on a une cravate. Il y a pas de lit, il y a pas de barreaux. C'est vrai, il y a pas de lit. Stouff, tu t'es déjà fait attacher ou pas? Ah bah oui, oui. Faut un truc costaud là, non? Faut. Non, non, c'était. Voilà. À une grue. Attends, on t'arrête pas avec une cravate, hein, sauf. C'était une non, corde de bateau, pas... là, les grosses cordes de paquebot, là. Mais c'est pas sympa, ça va pas ou quoi? Va te faire foutre. Vous êtes méchants. C'était une encre. Réponds-leur, Stouf, te laisse pas faire. Mais. Lui, c'est l'amarrage. Tu sais, les antivols de moto, là, les gros chiens. Mais ça va, ouais. Oh, je plaisante. Ah. Mika, non. Mika, t'as déjà attaché quelqu'un ou t'as déjà été attaché? Pas non, j'attache, moi. Ouais, mais il a joui avant, ça. Il avait à peine fini le nœud. Oh, non. Le temps qu'il attache, c'est fini. Bon, notre réalisatrice, déjà fait attacher? Oui. Bah, visiblement, il t'a pas détaché les mains. Hein. M'ennuie à un truc hein, parce que c'est pas possible. Bon, écoute, c'est arrivé à plein de gens. Voilà, c'est normal. Donc finalement, la prochaine fois, essayez la cravate, c'est le conseil ouais. de Julie. Ou les menottes. Ok. Oui. Ça coûte que non, les menottes, on va investir du coup dans des menottes. Ouais, c'est mignon. Ouais, les ça menottes, vaut rien. Bah, ça vaut quoi 10 euros ouais, je pense. Oui. Mais ça fait moins mal la cravate que les menottes. Hein. Oui, les menottes, ça peut faire un peu mal. Beaucoup. Hein. Mais en plus, surtout, c'est un peu de la merde parce que si vraiment tu tires ouais, fort, elle s'ouvre. Elle s'ouvre. Alors que la cravate, la cravate elle se resserre. Christian Grey, il a du matos. Sinon, tu vas chez le roi Merlin et puis ouais, tu fais un truc de ouf. Hein. Du gaffeur, hein. Du gaffeur, ça ne ouais, s'appelle pas. Et... J'aurais pas assez de place dans ma, dans ma chambre. Est-ce qu'il y a un autre truc que tu veux essayer? Ça, t'as voulu essayer? Est-ce qu'il y a gaffeur, autre chose que tu voudrais essayer? Les serre-joints en plastique. Ah ouais. Mais les serre-joints, ça peut faire très mal. Vous ouais. êtes malade ou quoi? Est-ce que t'as un autre truc que t'as envie d'essayer? Disons qu'il a mis un certain moment à accepter juste de m'attacher. Alors oui, mais quel est le prochain fantasme que t'aimerais faire après? Toi qui te plairais. Dans 5 ans. Dans 5 ans. Faut le planifier là. Ah, oh, je sais pas. Bah, disons qu'ici, il pouvait ramener un de ses copains. Effectivement, ça se planifie. Ah ouais, ah ouais, t'es mal barré là. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc t'es passé de j'aimerais bien me faire attacher, il peut venir avec ses potes après le rugby. Ah ouais, ah, on a franchi une étape. Bon bah écoute, je te fais des gros bisous. Je sais très bien qu'il voudra pas, donc. Ouais, donc ça veut dire que tu vas passer ta vie avec à pas vivre tes fantasmes. Voilà. Tu vas le faire ailleurs? Non, mais je vais essayer de le convaincre. Comme elle dit, Stouff, ouais, tu vas le faire ailleurs. C'est pas le métier. Ah, c'est bon, hein. Hey, c'est comme ça, puis on en parle plus. Tu vas le faire ailleurs, et puis attends, ça va être réglé. Hein. Je te fais un gros bisou, ma chérie, je t'embrasse. Merci, moi aussi. On te fait des gros bisous. Je t'embrasse fort. Sommet, on est en 5e position de TT France. Bientôt, on va se le faire et demain avec Soprano pour finir la semaine. Bisous tout le monde, bisous le public, je vous embrasse, bisous l'équipe, bonne émission. Ça a été top aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé d'être avec nous. On vous laisse avec Guillaume. À demain, bisous. Coué revient demain dès 19h sur Énergie. Du lundi au vendredi, de 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez sur Énergie, c'est parti. Je garde de la foi, je suis le chanteur de la foi. Ça va être toi, seul je vais finir ma soirée. C'est parti sur Énergie, les 22h03, Guillaume Radio 2.0. Bonjour à vous tous, après les cours, après le boulot, ou peut-être en train de bosser de nuit. On se retrouve les mecs sur Énergie, Guillaume Radio 2.0. Bon courage à tout le monde. Si vous voulez venir avec nous, on est en direct, hein, 22h jusqu'à minuit, les deux dernières heures de la journée, on les passe ensemble. On va retrouver Florent qui nous a appelé en direct de Versailles. Bonsoir mon Florent. Allô. Dans 78. On va se faire un juste prix. Ça fait longtemps qu'on en a pas fait un juste prix. T'as déjà entendu les justes prix, Florent, quand on en fait à l'antenne? Ouais, j'ai déjà entendu. On fait des cadeaux. Ça fait longtemps. Bah ouais, carrément, on va en refaire, ça fait trop longtemps là. Xbox One et bracelet connecté Fitbit. On se calera tout à l'heure. Et bah oui, tu auras le droit de jouer, mais je raccrocherai. Et puis, il y aura pas de piston quoi. Non, ça va, JM du standard. Salut, gars, moi ça va, faux. Que j'entends rigoler. Ah ouais, toujours, moi. Ça va, faux quoi. Très bien. Ça va, t'as passé une bonne journée, ouais. Ouais, ça va, franchement, ouais. Je peux pas réparer ma fuite, c'est la merde. Ta fuite de quoi? J'ai dans les WC, j'ai une fuite. Comment tu veux que je le sache, Shemdi? J'ai pas. Tu l'as déjà dit? Ah oui, la fuite que t'avais parlé à la radio. Ah, c'est ça. D'accord. Non, c'est pas du tout que je t'écoute pas. C'est ouais, en plus, ça me posait des questions. Non, attends. Vous en êtes nombreux dans l'équipe. J'ai rappelé de tout le monde. Ouais, c'est la merde. J'ai rappelé des chiottes de tout le monde. JM du standard. Lui, j'ai essayé, il a autre chose qui fuit. Non, bah tout va bien. Mes chiottes vont bien. Tout va bien. Mathieu, tout va bien. Tout un truc qui fuit. Ça va, j'ai essayé. Bah ouais, ça va très bien, Guillaume. Ça va être une bonne journée. Impeccable. Pas de soucis. Très bien. Pas de fuite, pas rien. Pas de fuite. Impeccable. Très bien. Bonsoir, Julia qui est là. Salut, Guillaume. Salut tout le monde. Ça va, pas de fuite non plus. Pas de fuite, pour une fille, c'est bizarre la question. Ouais, pas de fuite, Marta, tout ça. Alors, ça va, Flo, les cadeaux, Salut Guillaume, pas de fuite non plus. Non, c'est trop. J'avais pas te demandé. T'es pas la tête d'un mec qui fait des fuites. Je me suis perdu. Ils font le droit. On est quel jour là? On est jeudi. Ouais. Comme tous les jeudis, on fera le casting de la télé-réalité tout à l'heure. On fera le jeu. On va se faire passer pour des directeurs de casting. On se fait passer pour des patrons de boîtes qui recrutent des candidats pour les émissions de télé-réalité. Les casteurs. On a mis des vraies annonces en plus partout. Et donc, ce qui est énorme, c'est qu'il y a des mecs qui nous envoient des photos pour vous dire. À poil. On a ici la réponse. Mais c'est ouf, hein. Ouais, c'est pour cool. Du X, hein. Ouais, c'est pas tout. Non, mais je pense qu'il y a des mecs qui sont prêts à tout pour faire de la télé. Enfin, bon, quand même, à poil la photo. Mais à un niveau, vraiment, c'est un truc de ouf. Alors attends, je regarde les trucs là. Salut, la nouvelle télé-réalité, je m'appelle Bastien, j'ai 19 ans, j'habite vers Saint-Tropez. Je bosse là-bas en sécurité. J'ai fait le casting de Moundir. Ah, oula, ouais, pas mal. Magnifique. Il a fait le casting de Moundir et il a été. Pas pris. Voilà, il a été pris, personne ne l'a pris. Donc, on pourrait le prendre pour faire une fausse émission de télé-réalité. On va le faire après. Là, c'est énorme ce jeu-là. On l'a testé la semaine dernière. Salut Bruno le Portugais. Bonsoir Bruno le Portugais. Salut, Bruno. Salut Thomas 27 dans le 27. Salut les meilleurs sont en fin de retour. C'est parti pour 2 heures de conneries. Bonsoir. J'avais hâte de vous retrouver. Bonsoir Quentin Mesda. Salut Alonso, s'il te plaît, Binta, bonsoir à toi, il n'y a pas de problème, on se calera tout ce que vous voulez, on va la gimme. Je garde la foi, je suis le chasseur de la foi, ça va être toi, seul je vais finir ma soirée, j'ai trop bu, je vais m'asseoir, croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui tout passait, hier ça a tiré, il n'y a personne dans le quartier, j'ai tourné tout seul comme un fou dans les rues de Marseille, je vois les gens essayer d'en tirer, ils voulaient me la faire à l'envers, il est beau, je suis pas le number one mais j'écris, j'ai les gros. Et toute l'équipe prête à rigoler avec vous ce soir, Caro du 79. Salut Caro. Salut la Dream Team, encore une soirée avec vous. Et en même temps, c'est normal, vous déchirez tout coucou à la team. Merci à salut Ghost 18, salut les mecs. Salut. Salut pendant mes révisions, bisous Marie de Montpellier dans le 34. Salut à la Dream Team, encore une soirée de fou avec vous. En même temps, c'est normal, vous déchirez tout coucou à la team. Merci à Ghost 18. Enfin les gars, Bastos, c'est Linéon, bonsoir du 73. Et moi, je suis bien content de vous retrouver, hein, où vous soyez. Sachez que si vous voulez faire une petite dédicace ou vous racler la gorge à l'antenne comme Florent, vous pouvez vous appeler par SMS, vraiment un petit texto et je le 40 secondes après environ de moyenne, on a assez calculé rapide. Ça l'autre jour, c'est environ une petite quarantaine de secondes et vous entendrez votre message à l'antenne. Guillaume au début du texto absolument pour qu'il arrive ici, Guillaume un espace et vous mettez votre message au 6 11 12. Voilà. Salut Guillaume, je suis à TPMP, trop bien, merci. Alors et oui, surtout soyez là demain soir, surprise. Ah oui, j'aime ça, je tu viens avec moi sur le plateau. Ah, je peux bah si tu veux. C'est une spécialité qu'on a à la radio. J'ai une petite surprise demain, je peux pas le dire, mais je pense que l'émission va s'arrêter plus tôt que prévu demain. Ah oui, avec plaisir. Je pense que ça passera dans 10 ans au zapping de Canal. Ah bah oui. Je vous kiffe, je pourrais gagner une PS4. T'as dit quoi? C'est pas à Lyon. Ah non. Tu m'as fait beaucoup plus mal que ça. Allez, franchement, c'est ma bite. Ah ouais, d'accord. D'accord. Non, on a un truc, voilà, un truc de fou. J'ai appris que mon mec m'avait trompé, je sais plus quoi faire. Oh merde. Attends, allez, laisse ton numéro si tu veux. Mais ça, malheureusement, c'est relou, hein, c'est relou. J'ai une standard. Ça peut arriver. Voilà. J'ai du standard, c'est sa vie, quoi. Non, d'accord. Non. T'as déjà trompé, environ, tu mets combien de temps à tromper une fille? Est-ce que t'as calculé un délai? Moi, j'ai calculé un délai à peu près. Il y a un délai carrément. Ouais, je sais qu'à peu près, au bout d'un an et demi, je peux commencer à regarder un petit peu. T'en as marre de la fille, c'est pour ça. Bah, c'est la foi, à partir du moment où t'as un peu moins envie de niquer qu'une personne. Et en fait, inconsciemment, tu vas voir à gauche, à droite. À partir d'un an et demi, je sais que je peux. C'est déjà beaucoup, sujet. Ouais, mais t'aimes pas la fille alors? J'ai mis son art. Ouais. Bah, c'est pas peu, un an et demi. Bah, je sais pas. Mais tu vas, à mon avis, tu vas bien rester un an et demi aussi, toi. Ouais, tu il faut. Bien, ouais, hein, j'espère. J'ai mis son art à partir de quoi? J'ai pas le premier mois. Non. Je sens que je n'ai plus. Ce soir, je marche sur. Assume, un peu dans ton personnage. Il est en demi-teinte. Bah oui, parce que je sais pas, dans tes bases. Non, mais je sais pas si après ça se passe bien avec la fille, pas tout de suite quoi, tu vois. Ah ouais. Si la fille, j'en ai rien à faire, ben voilà, c'est. Ouais. On y va et voilà. J'ai un stagiaire. Bah moi, à partir de combien de temps tu trompes? Bah, j'ai jamais trompé. Tu peux penser à tromper. Bah je pense 5 mois, 6 mois. Ouais, à partir de 5 mois. C'est long pour moi, 5 mois, 6 mois. Tu vois, donc je me lasse vite et après, ouais, s'il y a une autre meuf, je peux. Ouais, ça t'est arrivé une fois, un an, c'est ça? Ouais, donc je l'ai pas trompé, mais je pense à d'autres meufs. Ouais. Mais là, je pense que j'ai évolué, je suis plus grand, donc forcément, 5 mois, 6 mois, je peux tromper direct. Ouais, c'est ça, c'est après, ça. Après, si je suis pas amoureux, je sais pas. Si je suis amoureux. La maturité. Je sais, ouais, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a, Flo Décalo? Pourquoi tu rigoles? Mais non, mais parce qu'il parle comme si c'était un mec mature qui avait l'air. Bah, j'ai grandi forcément. Toi, Flo Décalo, combien? Ouais. Ouais, vas-y, Florent. Déjà, pour tromper, faut pouvoir choper, non? Non, mais je suis d'accord. Oui, non, mais. Ah si, il a complètement chopé. Bah, il a chopé, après je suis pas en couple. Non, il a chopé cet été, il a dit. Là, ça fait 5 ans qu'il est pas ken. Alors, Je suis content. Si vous voulez enlever ça en plus, on est mort. Laissez-moi le quand même. Non, merci. Mon trophée de vacances. Faut laisser le temps en temps. Hein. Flo Décalo, combien de temps t'as environ avant de tromper? Bah, moi j'ai jamais trompé en fait. J'ai jamais trompé quand j'étais en couple, donc je vais peut-être passer pour un canard, mais. Mais j'ai jamais eu le. Passé pour un canard. Alors, je veux dire, moi, je vais tout droit, je rentre dans l'art. Je parle de ce truc. Putain, je mets les boîtes dans les petites grandes. Mais non. J'ai mes petites boîtes dans les grandes, pardon. Ah ouais. J'ai mes petits plats dans les grandes. Ah, bah ouais. Ah, pas beaucoup dormi, Guy. Alors, attends, donc, voilà. Je fais des cadeaux. Jamais trompé. Ah ouais, ouais. Jamais trompé. Non. Jamais trompé, quoi. Non, la seule fois où j'ai failli, je l'ai plaqué un jour avant et après, je sortais avec toi. Ah, tu l'as plaqué, c'est pas rigolo. Non, mais toi, je fais des cadeaux, genre, en général, quand t'es une meuf et tout, c'est parce que tu dragues pas ou c'est parce que c'est tes habits qui. Ah, ou ça marche. Ça pas. Parce que Flo Décalo, si vous découvrez l'émission, je vous explique, hein, il met des t-shirts avec des taches d'huile. Ah, vraiment, il a pas de complexe. Hein. Ça va, c'est vraiment, t'as l'impression que le t-shirt, il a essuyé les freins de la moto avant de. T'abuses. Franchement, non, pas celui-là. Pas celui-là. Ce soir, il est propre. Non, l'année dernière, tu nous as mis des t-shirts, la saison dernière. Franchement, même pour dormir, quand j'ai une meuf, je mets pas ça pour dormir. Ah, ben non, tu les mets pas. Quand je dors avec des t-shirts blancs, c'est pas compliqué. J'ai les mêmes que je mets la journée, j'ai 20 t-shirts blanc et j'en mets la nuit, le journée. Mais attends, tu peux pas t'habiller comme tu t'habillais l'année dernière. C'est encore chez moi. Ouais. Mais il le sait, je crois. Il a changé. Vous êtes les meilleurs, bande de fous, vous faites souffrir de rire. Souffrir de rire. Salut Matt, salut. Du 48. Salut. La surprise, c'est le. Ah ouais, c'est ça, Jojo du 04. Ah, salut Jojo. Chaque jour, j'ai toujours hâte d'être à 22h, tellement je vous kiffe, je vous aime. Salut Amandine. Voilà le retour des meilleurs pour 2 heures de fou rire. La blague de 22h09. Il a pas de blague, j'aime du standard, cet enculé. Non, j'ai cherché. Ce qui est marrant, c'est que quand même, j'arrive et je lui fais alors ça, j'aime. Il y a une blague. Le mec, il me dit pourquoi, tu vois, je me dis qu'il voulait en faire une aujourd'hui. Et je dis il dit pourtant, j'en ai cherché, j'ai pas trouvé. Je fais ah, s'ils en ont cherché, c'est que tu savais. Que normalement JM du standard fait une blague, notre standardiste de l'émission, si vous le découvrez, il s'appelle JM, ouais, Jean-Marc Randonnet, voilà. Et normalement il balance une blague, ouais. Hein, bah, demain alors, et bah oui, heureusement demain, bah, oui. C'est tous les jours, bah, ouais, moi je l'attendais, hein. Voilà. Ouais, mais je savais pas, 22h, oh, bon, Florent, en tout cas Florent, il a 17 ans, il est versaillais, hein. Ça va, ça se passe, ça. Versailles, là t'es bien à Versailles, ouais. ça va, toi, t'habites à Versailles, ouais. Ou t'es un nouveau versaillais, genre? Ça fait j'ai déménagé, alors ça fait 3 ça va faire 3 ans. D'accord, ok. Ça va faire 3 ans, ouais. Non, c'est bien. C'est bien Versailles. C'est joli Versailles, hein. C'est chic, un peu. Non, c'est élégant. C'est stylé. Ah, c'est joli, ouais. Ouais, c'est un petit peu. Moi, j'aime bien. Belle banlieue. Non, mais c'est vrai. Je suis allé 2-3 fois seulement en 5 ans, mais. Banlieue chic. Merci, j'aime ça. Merci, le mec. Il arrive. Oh, il devient lourd. Il m'a fait peur. Putain de merde. Attends. Tu veux dire un truc, j'aime ça là? C'est exactement ce que j'ai appris hier chaque jour. Non, pas juste que je l'ai. Non. Jacouille. Respecte tes jacouilles. Non, pas il s'est occupé. On a acheté une petite bicoque, tu vois. Le quoi, t'as dit? On a acheté une petite bicoque, tu vois. Ouais, une petite bicoque à. C'est une maison. Mais arrêtez entre les blagues, entre vous, ça marche pas. Autant qu'on avance dans la discussion, puis qu'on fasse des choses, quoi. Parce que si jamais tu balances une blague de merde sur une blague de merde, si tu veux, ça commence à devenir malaisant. Je sens que je vais briller. Ce soir, je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, on fait un bide. Si tu me parles, Florent fait un bide. Si tu me touches, j'ai un bide. Car moi, ce soir, je suis en feu. Je suis en feu. vous êtes parfait pour bien finir la journée. Je vous aime trop. Merci, ma Clémence d'Orléans. C'est merci, juste. Clémence. Salut, Clémence. Salut au transport Jimenez, Toulouse, Caribou du 31. Bonsoir à mon Caribou, à la cousine Lucia Inaya, née aujourd'hui. Ah, bravo. Les cousines nées aujourd'hui, donc c'est des petites cousines. Bonsoir à toi. Ça en est où avec la petite Clio de TPMP? Tu l'as. Alors, les gars. Ah ouais. Non, je l'aime beaucoup. Je la trouve très. Elle très a une belle bouche. Non, non, elle est très belle. Attends. Ah ouais, jolie. Ouais. Je l'avais pas vue avant, non, moi. Non, non, non. Elle est très gentille, très gentille. Elle est très gentille. Non, mais. Je veux dire, ça c'est du, ouais, ça c'est de la Ligue 1, ça c'est de la Ligue 1 dans tous les niveaux. Ouais. Ouais. Ligue des Champions, on peut dire. Non, mais je crois qu'elle était mariée à un footballeur et tout. Ouais, ouais. Non, ouais. Ah merde, c'est qui? Non, mais je la trouve très très belle. De toute façon, ouais. Faudrait être aveugle pour pas la trouver belle. Ah, oui. Mais, elle est de quelle année la Clio là? Et merci, j'ai le. Oh la honte, c'est oh gênant, merde, non. Oh là, là. Ah, je suis gêné, vraiment, c'est très très très, très compliqué ce soir, cette émission. Oh, j'ai l'impression d'entrer dans un bar. J'ai arrivé au bar PMU, devant le rideau, de faire rentrer tous les mecs bourrés et de dire allez les gars. La radio ensemble, quoi. Guillaume, et votre message aussi, sans doute. J'adore le rare de faux, les cadeaux en fond, c'est énorme débarque. Salut, Guillaume de Marseille. Salut. Ouais, bah, y a que ça qui est sympa. Tout le reste, non, c'est pas vrai, en plus, c'est pour rigoler. Salut, trop bon, les gars. Prévoyez, hein. Nous